Indestar présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujet, débat, jeu et encore beaucoup plus. On passe la soirée ensemble sur Indestar. Encore beaucoup plus ce soir les amis, bienvenue sur Indestar, indestar.fr en direct ou en replay, en podcast sur toutes les plateformes internet. Aujourd'hui nous sommes le 4 juin 2021 et cette semaine toutes les radios de France et de Navarre fêtent la fête de la radio. Wouh ! Puisque ce sont les 100 ans de la radio. Et c'est pas peu dire quand même, 100 ans t'imagines Teddy ? Bah non j'imagine pas. Un siècle de radio. Ça fait 100 ans qu'il y a des animateurs comme ça qui prennent donc, la parole. Il y a 100 ans, ils avaient des radios, tu vois. Oui, alors, on va revenir. Tu te rends compte, il y a 100 ans, ils avaient déjà un Teddy, un Théo, un Daniel, un Jolan. Alors, ouais. Sauf que c'était Robert, Jean-Luc et Raymond, mais. Mélenchon. Non. Ouais, bah, ils avaient des pseudos, d'accord. Mais... Il y avait les pseudos. Mais on va revenir justement sur ces 100 ans de radio ce soir, puisque c'est le thème de cette émission. Et sur les tout débuts avec toi, Daniel, tout à l'heure, puisqu'on va comprendre un petit peu aussi bien techniquement. Que artistiquement, ce qui était fait à l'époque. Ah, du télégramme. Et puis vous allez voir, plus l'émission. Artistiquement, faut le chercher, il y a des choix. Mais c'était quand même artistique. Pour attends, l'époque, hein. le discours du général de Gaulle était vachement artistique quand même. et plus l'émission va passer, en fait, plus on va aller vers notre époque récente. Jusqu'à la naissance d'Indestar. Jusqu'à la naissance d'Indestar. La plus grande radio au monde. Quel a été le premier cri d'Indestar quand elle est sortie? Elle a fait. Certainement un son du genre. Voilà, donc oui, on va revenir sur tous ces moments qui ont marqué, et notamment la bande FM avec la libération de la FM dans les années 80. C'était mes copains, je disais, venez, il y a la bande FM, on l'appelait la bande FM. La bande FM, vous étiez. Tu faisais partie d'ailleurs de la bande FM, Daniel. T'étais un loubard de la bande FM. De la bande FM. Exactement. Donc oui, libération de la FM dans les années 80, et puis après les années 90, qui ont été quand même assez marquantes pour la radio. On va revenir sur tout ça, on aura aussi des souvenirs personnels parce que on fait tous de la radio, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Mais depuis... Comment ça ils font de la radio? Ah bah non, je croyais qu'ils faisaient de la télé. Pas au courant, on était sur Discord, mais en fait on est aussi à la radio, c'est cool. Et on a vécu des bons moments parce que c'est ça aussi, la radio. C'est... Alors il y a deux choses, il y a les bons moments et puis il y a les moments où on s'y attend pas. Ça c'est les moins bons moments. Alors, non, mais ça peut être des bons moments, mais t'as des moments. Sympa. En fait, le fait de faire du direct, parce que la radio c'est quand même un média de direct, alors tu peux le faire en enregistré et puis vous pouvez écouter le podcast, mais il y a quand même ce. À la base, ouais, fait... c'est quand ça reste du direct, c'est tu ça. Te plantes, oh mince, un souci technique, le serveur crame, et ben c'est du direct. Tout ce qu'il peut y avoir effectivement en direct, ouais, un souci technique. Alors, si le serveur crame, on nous entend pas. Donc, oui. Mais c'est marrant. Je sais pas si le mot marrant c'est approprié. Mais rappelle-toi, allez, vas-y, on peut se faire un petit souvenir pour commencer. Mais rappelle-toi Get Stars. Il y a 2 ans maintenant. Ouais. Oh, donc oui. Si vous étiez là à l'époque, c'était une émission de jeu, voilà, où il y avait pas mal de préparation. On était une douzaine de personnes quand même dans l'équipe. Donc... On avait le temps des musiques pour préparer le jeu, changer dans l'open space, changer la prise voilà. En place. Donc évidemment tout était préparé à l'avance, mais il y avait quand même un certain certaines choses à préparer entre les jeux, etc. Et ça demandait pas mal d'organisation. Et on peut pas dire que la technique nous a vraiment soutenu cette saison-là, tu vois, sur l'animation de Get Star, parce que ça mettait en place, on était obligé de changer les micros de place, de rajouter des câbles, etc. etc. Et forcément, ça induit potentiellement plus de problèmes techniques. Alors, on avait Hermance, qu'on fait un petit coucou des si elle nous écoute. Angoulême nous l'a piqué. Ils nous ont fait Angoulême nous l'a piqué. On est en école d'audiovisuel actuellement, ouais. Mais elle va bientôt ressortir. On va bientôt la repiquer. J'espère. Mais en tout cas, Hermance, donc elle était à la technique. Et malheureusement pour elle, il y a plein de fois. Ou genre 30 secondes avant l'émission, ça fonctionnait. Et au moment de lancer le top horaire là, de 21h, et ça ne fonctionnait plus. Nous n'avons plus Jolan. Tu vois ça. Non, c'est une blague. Ah, j'ai eu peur. C'était un exemple. Et c'est vrai que ça nous est arrivé bien des fois d'avoir des soucis techniques alors qu'on voulait que ça soit parfait. Forcément, on voulait vous faire kiffer. Mais des fois, c'est pas comme ça que ça se passe. Et souvent dans les directs comme ça, alors là, bon, c'était en studio. Mais quand tu fais aussi des directs à l'extérieur, forcément, tu utilises du matériel que t'as moins l'habitude d'utiliser, tu vas passer par des solutions alternatives, etc. Et t'as beau faire un test avant et faire en sorte que tout va bien, bah des fois le jour du direct, moment, bah ça marche pas. Ça marche moins bien, ouais. Donc bah il y a c'est des beau. Choses et c'est à ce moment-là où tu fais ressortir je suis content de faire de la radio, ouais. ton talent d'animateur radio où tu improvises. Ah, meubles IKEA, meubles. Exactement, oui. là il y a les meubles IKEA, il y a tout le kit là. Totalement. ah, tu ramènes le magasin avec toi et tu vends tout. tu vends les étagères au Kravutschraff. voilà, mais tu vends la totale. c'est tout à fait ça. Tu sais, il y a un souvenir, Teddy, qui allait comme ça, hein, mais qui t'a marqué depuis ton arrivée à Indestar, dont on reparlera tout à l'heure. En vrai, je dirais, il y a tellement de trucs qui m'ont marqué et qui, du coup, bah, ça fait que tout me marque pas au final. C'est assez drôle, hein, mais oui, tout est marquant, du sûr. Coup, il y a rien tout qui est marque. Marquant. Ouais, ouais. Chaque passage à la radio, c'est un événement. c'est mon petit bonheur quotidien. Je sais pas, qu'est-ce qui a pu être sympa les grosses émissions spéciales. En extérieur bah, ouais. En extérieur, mais même quand on faisait Peck Avenger à l'époque et qu'il y avait des gros thèmes. Quand il y a 15 personnes dans le studio. La spéciale Star Wars, ouais. la spéciale Harry Potter. Ouais, ouais, ouais. Oh putain, quand tu faisais le record de la plus grande émission ouais. que j'ai connue, c'était la spéciale Harry Potter par exemple. Ah oui, ça c'était dans Peck Avenger, oui. Ouais. Enfin, c'est une émission, c'était pas un record à battre, c'était une émission qui a duré longtemps. Oui, parce qu'il y avait du contenu. Oui. Elle a pris parce qu'il record, y avait Cindy. Ouais, ouais voilà. C'est... bon, bonsoir Cindy, c'est ta faute. Bah, fan de Harry Potter. Ouais, voilà. Mais ouais, ce genre de délire, bah ouais, c'était pas attendu déjà qu'on fasse autant. Et ouais, c'est cool en vrai de te mettre autant de temps pour un truc qui était pas. Ouais, tu t'y attendais pas forcément. Le film de la base censé durer 2h et 2h. Ouais, bah, c'est ça. T'avais tout programmé, au final, tu fais le double de ce que t'as prévu. Ah bah ouais. Bah, et voilà. Puis l'engouement, effectivement, enfin par exemple, dans les émissions de Peck Avenger, vous avez eu des fois beaucoup de public bah, qui ouais. vient et tu t'y attends pas forcément qu'il y ait tout ce monde-là parce que, bah, je sais pas, les gens arrivent comme ça et c'est cool. Et concours de plus de 3 millions d'auditeurs non, dans le studio. C'était pas très Covid friendly ça. C'était avant. Ouais, ouais. C'est... C'était la vie d'avant. C'était un truc de dingue. Ouais. Et puis les émissions en extérieur, c'est vrai que c'est toujours enfin bah ouais. pas quand toujours, on a fait l'émission Manga sur Loire oui par exemple voilà une pépite alors, on a fait des émissions à l'extérieur et j'espère qu'on pourra reprendre bientôt hein, et faire ouais. d'autres événements et d'ailleurs on n'avait pas fait une avec toi Daniel eh bah si je crois que oui. Si, si, culture des jeux vidéo. Ouais, d'ailleurs, bah, je vais en profiter s'il n'y a pas de problème sanitaire. Pub. La prochaine aura lieu le 13 février 2022. Ok, donc si vous êtes en région Centre-Val-de-Loire, ouais. Ça se passe du côté d'Amboise, à Nazel-Négron exactement, et eh bien vous allez. Il voilà. Y aura plein de choses, il hein, y aura des bornes d'arcade, il y aura des. Ce sera jeux vidéo, geek culture, jeux vidéo, geek culture. On vous réserve des surprises, on est sous le programme, on vous réserve des surprises, des grosses surprises par rapport aux deux précédentes éditions. Ah, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas suivi les deux prochaines, les deux premières émissions qui étaient déjà très cool. Et bah ils ont raté et quelque là, chose. Encore plus cool de cool. Jolan, il y a quelque chose à. Un événement, une émission qui t'a marqué depuis que tu fais de la radio, ça fait déjà quoi 3 ans, quelque chose comme ça? Plus que 3 ans 4 ça ans fait, C'est un vieux alors C'est un vieux ça fait trois... ça fait... Attends, C'est un attends, vieux de la vieille. Cette année, ça va faire 3 ans que je vis à Amboise. Ah oui, donc oui, 3. Ça fait. Ouais, ça fait 4 ans que je fais de la radio. D'accord. Et en 4 ans de radio, est-ce qu'il y a des événements comme ça qui t'ont marqué des passages? Et en 4 ans de radio, oui, bah déjà, il y en a plusieurs. Hein, comme et Teddy, Teddy l'a marqué. ouais, Teddy marque beaucoup. Hein, ouais. Non, c'était la rencontre avec. Avec les bénévoles d'Inestar, dont Théo qui est le président. Ah bah j'étais là. Oh, ça fait bien les boules ça. Ah mais je me rappelle la première fois que t'es venu, bah on n'avait pas encore les studios d'ailleurs. On n'avait pas les studios en voisin. Ils étaient dehors sous la tente. Non presque. Ils étaient dans les locaux de. On était hébergés dans une autre radio. Voilà. Oui d'accord, ok. Vous étiez hébergés dans une autre radio. Et j'avais rencontré toi et David et puis après on a commencé à mettre en place l'émission. On a fait ça sur un an. C'est et ça. Moi ce qui m'avait marqué c'était ma première interview qui s'est pas forcément super bien passée. La première interview, c'était avec qui? C'était avec. Enfin c'était bien passé mais c'était compliqué. Donc c'était Sébastien qu'on avait interviewé. Sébastien était bavard pour le coup. C'était bien d'avoir un invité bavard, mais c'était compliqué aussi à gérer. C'était ta première. Non, mais l'exercice de l'interview est l'un des exercices les plus compliqués à gérer en radio parce que tu ne connais pas ton interlocuteur. Ce qu'il va dire, voilà. Donc tu peux tomber sur le mec qui ne parle pas, donc c'est relou parce qu'il faut le faire parler et t'as intérêt à avoir du contenu derrière pour le lancer sur certaines choses. Tu peux avoir le mec qui parle, mais qui parle trop, donc t'es obligé de le couper. C'est pas forcément évident. J'avoue. Non, c'est vrai que c'est pas évident. Gryffondor. Et il faut arriver à trouver le juste milieu, à couper mes bons moments, à relancer alors, sur le donc, sujet. Donc, chers amis, un conseil, n'invitez jamais Théo, parce que alors là, vous en caserez pas une. Hein. Ça dépend, j'essaye. Mais, en fait, connaissant la... Je dis bisous à Sébastien, s'il nous écoute toujours, mais c'était une expérience super sympa pour commencer, et puis... Donc maintenant t'es un dieu de la radio. Un dieu. Non. Un dieu Jojo. C'était quand même cool quoi. Ah t'es un vétéran normalement. C'est le Zeus de la radio. Mais en même temps tu vois par rapport à ce que je disais, autant l'interview c'est un exercice compliqué, autant c'est super chouette à faire parce que tu rencontres plein de monde et c'est ça aussi la vie, la radio machin, tu rencontres des gens, se fait une conversation, se fait une interview, tu apprends. Ouais, je trouve ça chouette aussi. Ouais. Daniel, t'en as une toi? Daniel. Je crois que ce qui m'a marqué, c'est il y a le pas très longtemps. Dans la poubelle. Il y a pas longtemps. Non, on était déjà sur le Discord, en émission à la maison. Ouais. Et paf, le Discord en plein milieu d'émission, moi tout plante, crac, plus rien. Et moi je vous ai pas entendu pendant ce temps-là, je vous ai réécouté un podcast. Ah non, on a ramené. Donc à un moment donné, il m'appelle au téléphone en me disant on est en train de faire des incantations ou des invocations, je sais plus. C'est ça. Et là donc. Vous aviez trouvé le temps que j'avais perdu là-bas au studio. Bah oui, il y a des fois, les choses arrivent malheureusement. Hein. Et puis, comme par miracle, ça s'est remis à fonctionner. Donc, chers amis, les incantations, ça fonctionne. Rituel satanique, ça marche. C'est prouvé scientifiquement à la radio. C'est vrai qu'on a comblé. Voilà, parce qu'encore une fois, on est en moment direct, donc on a pas le choix. Et on a invoqué Daniel, et pile poil au moment, ça s'est mis à fonctionner et était réapparu. C'était là, j'arrêtais pas de bidouiller partout pour voir. Et je trouvais pas de panne, de défaut de fonctionnement. Sincèrement, j'ai pas compris ce qui se passait. Ouais. Et ça, c'est la panique en fait. Le miracle s'est produit. Quand t'es du côté de mec, en fait, je trouve que quand t'es du côté de la personne qui fonctionne pas, tu vois, comme là à distance, tu dis merde. Enfin, moi, ça m'est arrivé une ou deux fois aussi sur le Discord début de saison. Et tu dis mince, comment ça se fait? T'es obligé de relancer le truc, t'y arrives pas, etc. Alors que pendant ce temps-là, en studio, ils sont en train de continuer tranquille, quoi. Ils vont très bien la radio sans toi, tu vois. Tranquille, ça continue et voilà. Hein. La vie. Mais là, pour le coup, c'était l'intervention de Daniel, donc c'était plus compliqué. Oui. De on pouvait pas meubler autrement. C'est ça. Juste faire une incantation. Magie, voilà. Rituel. C'est ça. Et c'est vrai que ça a fonctionné pour le coup. Bon, voilà, en tout cas, il y a. J'avais juste une dernière anecdote parce que justement. Bien sûr, Jojo. On n'en veut pas. Allez. Si tu laisses Théo parler, t'auras pas de temps. Teddy était là pendant ce film. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Si je ne m'abuse. On était en train de. On avait fait le top horreur comme à chaque émission. On était en train de justement, au moment où on parle. De faire les présentations, d'expliquer la semaine, comment ça s'était déroulé. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'au bout de 15 minutes de blabla, on passait pas à l'antenne. Ah, c'est arrivé ça? C'est arrivé. J'étais beau con. Il y avait deux heures de call. Et Teddy qui était là. Et ça passait pas à l'antenne en fait. Et c'était à l'époque où on faisait Sport News. Et on s'est retrouvés comme des cons. On disait, mais c'est pas normal, il y a plus rien qui marche. Ah ouais, bah oui. Bah ça, malheureusement, effectivement, c'est. Avec la console, il y a des petits boutons qu'il faut savoir manipuler. Et quand tu débutes, en fait, on fait très attention. Si tu oublies un bouton, ça peut tout foirer. Bah tu peux ne pas être à l'antenne, ouais. Ouais, tu sais que ça m'est arrivé aussi. Non, mais faire une incantation, c'était bon. Ça m'est arrivé sur une plus grande radio à l'époque à l'époque qui est pas si lointaine où tu vois un bouton ça change tout hein. Donc c'était une époque où en fait pour faire la décro, alors le décrochage local et national, c'est le fait de quand t'es sur une grande radio et que t'as un réseau national, ils parlent et puis toi tu fais la décro locale pour pouvoir parler dans une certaine région de la France. Ouais. Et cette fois là il y avait un Minitel qui servait en fait à faire la liaison entre le national et le local, et j'ai oublié d'appuyer sur la bonne touche du Minitel, ce qui fait que pendant une heure, c'était à l'époque, c'est Bruno Guillon qui est maintenant sur Fun Radio. Ouais. Il était sur Virgin Radio à l'époque en matinale, et moi je devais prendre le relais en local sur Virgin Radio, et du coup j'ai oublié, donc pendant une heure les auditeurs de mon secteur, si tu veux, ont continué d'écouter Bruno Guillon alors qu'ils auraient dû m'écouter. Bon, ils ont peut-être pas perdu au changement. Pour le coup, mais la violence. En même temps, Bruno Guillon. Mais ouais, c'est un des piliers de la radio. Bon. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir évidemment sur la radio et l'histoire de la radio, et même les tout débuts de l'histoire de la radio avec toi, Daniel, dans un instant. Mais avant, ce soir, on vous a concocté une prog spéciale. Alors, on dit pas qu'elle est qualitative, très clairement, mais elle est spéciale. On a essayé de chercher, alors on a beaucoup d'extraits à nous, Oui. Parce qu'en radio, on aime bien aussi faire des parodies, chanter, etc. En direct ou enregistré. J'aime bien le chant. Ouais, j'aime bien le chant, alors que je suis mauvais, mais j'aime bien ça. Avec plus de 500 000 vues. Et je chante vues, moi, hein, même quand je n'ai plus de voix du tout. C'est-à-dire que quand j'ai la voix explosée, ça m'arrive rarement. Mais cette fois-là, malheureusement, c'était le cas. On était en direct, donc j'avais plus de voix du tout. Et pourtant, on avait décidé avec Mélissa, on fait un petit coucou à Mélissa, elle sera peut-être bientôt avec nous pour une émission. On avait décidé de faire, c'était à l'époque de la COP 19, je crois. Ça existait, ouais. Ça, enfin voilà, oui. Sur l'écologie, et on avait décidé sur une musique dont on va reparler tout à l'heure, mais des années 90, qui était un hymne dans Les Monstres sur Skyrock en 94, très exactement. Ils faisaient une chanson qui s'appelait Lève-toi, et il y avait des paroles qui revenaient, et sinon ils improvisaient en fait entre les deux. Et là, on avait écrit quelque chose qui était pour l'écologie, c'était en direct, c'était sur une petite radio locale, et on écoute ce que ça donnait à l'époque, et dans un instant, c'est l'histoire de la radio, on va revenir 100 ans en arrière sur Indestar. Et sans public, la chanson Lève-toi. La nature est oppressée, on va regarder ce qu'il faut changer. Dans le monde dévasté, il est temps de se rebeller. Je te dis lève-toi, lève-toi. Il est temps de se lever. Je te dis lève-toi, lève-toi. Il est temps de se rebeller. Cette chanson c'est un espoir, c'est un message d'espérance pour tous ceux qui doutent, pour tous ceux qui s'en foutent. Vous avez l'impression que quand vous mettez des plastiques dans le sac jaune, ça sert pas à grand chose en comparaison des grosses usines chinoises qui tournent à plein régime. Eh bien vous avez raison, quand vous roulez à l'électrique alors que vos américains consomment 30 litres 100 à bord de leur gros pick-up, c'est comme pisser dans un violon. Eh bien vous avez raison, mais quand il n'y aura plus d'ours polaires ou de glaciers au pôle Nord et que les eaux auront monté et que votre salon sera devenu une piscine, ou quand les Espagnols sud de la France seront devenus désertiques, il sera trop tard. Alors même si c'est peu, montrons l'exemple, montrons qu'on tient cette planète autant qu'aux hommes qui vivent, pas pour se donner bonne conscience, mais parce que notre avenir en dépend, parce qu'aujourd'hui on a conscience des conséquences plus qu'autant de nos parents. Alors au-delà d'une conférence, moi je dis lève-toi, lève-toi, il est temps de se lever. Je te dis lève-toi, lève-toi, il est temps de t'exprimer. La nature est oppressée, c'est aujourd'hui qu'il faut changer. Promettons-nous de recycler et surtout de moins polluer. Je te dis lève-toi, lève-toi, il est temps de se lever. Je te dis lève-toi, lève-toi, il est temps de t'exprimer. Merci, merci monsieur, vous pouvez arrêter. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Voilà, vous avez eu un petit aperçu des délires radiophoniques. Mais ce n'est pas fini, puisque jusqu'à 23h, avec grand minimum ce soir, on va en avoir d'autres. Et pas que de nous, hein, parce qu'on aura aussi des délires pas nous. D'autres animateurs radio. En tous les cas, ce soir, émission spéciale 100 ans de la radio, 40 ans de la libération de la FM, dont on va évoquer plein de souvenirs jusqu'à 23h. Et on va essayer de revenir là au tout départ, à la base. Donc, au télégraphe. En antenne, ouais, voilà, c'était le télégraphe, c'était. Mais il y a certainement un monsieur qui a inventé la radio et on va découvrir cette histoire avec Daniel dans un instant. En tout cas, merci monsieur parce que ça nous a permis d'être là ce soir et toutes les évolutions qui ont lieu par la suite, parce que c'est pas un mec, c'est comme toute invention, c'est pas un mec qui a inventé un truc et puis voilà, c'est terminé. Il y a eu plein de. Un groupe de gens qui ont innové, enfin compris le concept exactement, de base. Exactement, qu'on peut remercier monsieur Internet aussi d'être là. Sans ça, on va dire, il n'y aurait même pas de téléphone, enfin une grande chance. Ouais. Si on n'aurait pas découvert les ondes et tout ça. Donc... Oh là là. T'imagines, en fait. Daniel, est-ce que tu peux nous remonter dans les abysses? Avec cette musique très entraînante. On n'entend pas Daniel, par contre. On n'entend pas Daniel. Daniel, es-tu là? Pourtant, on devrait t'entendre. Non, mais oui, j'avais un petit souci. J'avais coupé le micro. J'étais pour pas perturber la chanson. Je voulais pas que ma voix pas belle de chanteur un peu raté vienne perturber une aussi jolie mélodie. Une voix de loupard. C'est vrai que ça aurait été dommage de perturber Mélissa dans son chant. Ah oui, ouais, et puis je me suis dit, si j'arrive avec ma bande FM encore, ça va la foutre mal. C'est sûr. Parce que c'est vrai qu'ils ont pas entendu, mais dans la musique, j'ai lancé un petit truc genre, mais Mélissa chanterait pas un peu fausse? Pas du tout. Mélissa, c'est pour toi. C'est qu'un. Pas du tout. Alors, Daniel, on t'écoute, l'histoire de la radio. Juste quelques petites précisions techniques avant. Ouais. Savez-vous quelle est la différence entre les deux types, je dirais, de signaux principaux, la FM et la AM? Alors, il y en a un, c'est l'après-midi, l'autre le matin. Ça, c'est... AM. Ça aurait pu. Alors, Vas-y, Jolan, je te laisse répondre. Vas-y, dis-le parce que moi. D'accord. Bon, je sens que je vais donner la réponse. Il y avait les, à l'époque, il y avait les grandes ondes et les petites ondes. Donc les AM et puis voilà, GO, c'est grandes chose. Ondes. Ouais. C'est autre chose en fait. Grandes ondes et petites ondes. AM et FM, ce sont deux technologies d'émissions de signaux radio. Donc FM permet d'avoir une meilleure réception des sons, c'est pour ça que les radios libres ce sont... Un spectre plus large, ouais. Voilà, c'est pas un spectre plus large, c'est un spectre plus stable pour permettre la diffusion de la musique. Parce que c'est la AM, par exemple, qui est utilisée pour, par exemple, la navigation. Ouais. Donc il y a souvent des parasites. Alors, sur les bateaux, ça va parce qu'il n'y a pas d'obstacle. C'est con, du coup. Mais la AM, par exemple, si dans une ville, par exemple, ça passerait pas avec les immeubles. Ouais. Mais... Difficilement. Ouais. Par contre, les grandes ondes sont, projettent plus loin que la FM. Ah, oui, ouais, parce que parce la qu'il faut un FM, intérêt, sinon ça sert à rien. Hmm. C'est pourquoi ils mettraient pas de la FM dans les bateaux. Sur des fréquences élevées, c'est pour ça. D'accord, ok. Voilà, donc les grandes ondes sont des fréquences basses qui permettent d'aller beaucoup plus loin et de transporter beaucoup plus loin le son. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc, les premières émissions, d'ailleurs, étaient en grandes ondes. Hein. Les premières, les premières transmissions TSF, donc par Morse, hein, télégraphie sans fil, c'était par... par des fils. Par grandes ondes. Hein. Ouais. D'accord. Mmh. C'était pas la 5G encore. Alors, on va remonter. Alors, sachez quand même une chose, avant que je commence... mon exposé qui va vous embêter comme pas possible, je le sais. Tu seras noté à la fin. Non, sachez que la radio a sauvé la Tour Eiffel de la destruction. Ah, ah oui, je savais ça. Pas de bol. Ouais. Parce que toutes les antennes radio sur la télé. Voilà. Ouais. C'est vrai que par un moment, on pensait que la Tour Eiffel c'était franchement moche. C'est pas totalement faux. Bah, ça dépend de quel point. J'ai une bonne blague sur les Portugais. À chaque fois quand ils voient la Tour Eiffel, ils disent oh, il y a que l'armature. Mais j'aime bien l'accent. Ouais, ok. C'était une petite blague. J'aime bien. Voilà, alors on doit ça surtout à ce physicien italien Guglielmo Marconi, donc monsieur Marconi qui est connu avec Pate Marconi par exemple. Ouais, mais merci. Qui a beaucoup travaillé sur le domaine. Ok. Qui a beaucoup travaillé sur les premières transmissions sans fil. Hein, mais c'est pas lui qui a fait la première diffusion d'un message vocal. Ah oui, lui il travaillait vraiment plus sur la technique en fait. Voilà, c'était vraiment sur la technique. L'homme de l'ombre. Voilà. Et le premier message vocal, c'est un Canadien du nom de Reginald Aubrey Fedesadana qui l'a transmis. Alors, et il disait quoi dans donc son message sur le réseau de télégraphie sans fil. Ouais. D'accord. Oui, quel était le contenu de ce message, tu le sais? Non, je ne sais pas. Mais par contre, petit gag, parce qu'il y avait déjà des petits plaisantins, il aurait pu venir avec nous, là, il n'aurait pas... À mon avis, il n'aurait pas dégénéré l'équipe. Hein. Il faut savoir que la veille de Noël 1906, ce monsieur s'est amusé à envoyer sur via la TSF de la musique de Noël au bateau transatlantique. Ah, sympa. Alors, je vous laisse imaginer les opérateurs de TSF qui n'étaient pas habitués. Mais comment ça, on nous a piraté? Comment on peut pirater ça? Il est là, il écoute son truc. C'est ça, quand tu fais des tests. Ouais. Et tu sais pas que ça peut être piratable? Parce non, que la technologie n'existe jamais été fait. Donc, bah oui. Ouais. Oh putain, oh, ça devait être magnifique. Ils ont dû croire à des fantômes et tout ça. Ils ont dû dire, oh, on a attaqué par les. Ah, moi j'aurais fait ça. Genre, ah, ouais. Là, j'aurais incanté sévère. Hein. Trop bon. Alors. Bon, c'est vrai que c'était un peu par miracle, on va dire, que ça fonctionnait, parce que on sait maintenant que tout, sur la provocation des ondes radio, toute la partie donc de l'émission du microphone au haut-parleur de réception influe, alors que ce soit le micro, l'amplificateur, les antennes qui ont vraiment... D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. Les câbles pour aller jusqu'aux antennes. Le métal. Hein? Le métal? Il raconte n'importe quoi, Ah, j'avais compris, le méthane! Le métal aussi, hein! Non, mais les métals, enfin, il y a certaines parois métalliques qui empêchent les ondes de passer aussi. Ah oui! Genre, je pensais au plomb. Là, on rentre sur le principe de ce qu'on appelle la cage de Faraday, donc les techniciens vont reconnaître, qui démontre que lorsque une onde radio est à l'intérieur, elle ne peut pas s'échapper. Elle est en prison. Bon, ouais. Certes. Voilà. C'est un micro-ondes, le truc. Ouais, bye. Mais c'est normal. Micro-ondes. C'est ça. J'étais parti sur une bêtise à vous raconter. Ah, ah. D'accord. Mettez une cuillère dans le micro-ondes et regardez ce que ça fait, vous allez voir les ondes. Vous allez voir une petite explosion. Ah oui, en parlant, oui, c'est ça, dans l'antenne. Là, il y a un gag extraordinaire dans les débuts. Alors là, on est vraiment dans les tout débuts de la radio. Mmh. Et donc, il y a une chanteuse qui portait le nom de Jeanne Gatineau, à qui on avait demandé de chanter. Alors, je vous laisse imaginer le tableau. Donc, elle chantait dans un pavillon, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de micro suffisamment performant pour enregistrer directement la voix. Ouais. Là, on lui a dit... Écoute, Jeanne, tu chantes pour des gens qui sont en Roumanie, Hongrie, je sais plus. Mm-hmm. Donc l'émission se passe, et puis finalement, les gens disent on a strictement rien entendu. Ah mince. Ah, bon, chanter oui, pour rien. Tant pis, hein, l'essai était raté, tant pis, donc bah, c'est pas grave, on va dormir. Sauf que le lendemain matin. Ouais. Eh ben, une dépêche arrive du nord de l'Afrique en disant « On a entendu !» Ah mince, ils se sont plantés d'orientation d'antenne. L'antenne était orientée vers l'Afrique et non vers la Roumanie, enfin l'Europe de l'Est. Et c'est le stagiaire qui a orienté l'antenne. J'aime bien l'idée. Donc, je vous parle de radio, maintenant on a un petit peu présenté le sujet. Mm-hmm. Il faut savoir que la qualité n'était quand même pas si bonne que ce qu'on a actuellement. C'est sûr, même par Discord. Voilà. Et donc, par exemple, j'avais envie de vous donner une idée de ce que ça pouvait être. Alors, écoutez bien, parce que ça aurait pu donner un peu de choses près, ce genre de choses-là que vous allez entendre. Ah, on entend un peu. C'est Daniel qui vous parle depuis la station radio TSF Indestar, la télégraphie sans fil. Il y a déjà Indestar à l'époque. Hein. Demain, la météo sera un peu comme aujourd'hui, avec des nuages, du soleil et un peu de vent. Et maintenant, passons la presse en revue. Avec les dernières pluies qui sont tombées sur tout le pays, les fleuves et les rivières sont montées. Mais ne vous inquiétez pas, elles ne sont pas encore en crue. Automobile. C'est la guerre entre Citroën et sa 5 chevaux, Peugeot avec la quadrillette et la Kadji de Renault. Politique. Le président de la République, Alexandre Mirand, a reçu des ministres... Ça ne rajeunit pas tout ça. On ne sait absolument rien de ce qui s'est dit. Comme chaque soir, faisons un voyage en province. Il est super le bed. Vous cherchez un lieu de villégiature pour l'été prochain? Alors partez en voyage à Amboise. Ah bah oui. Sa douceur de vivre au bord de la Loire, ses sympathiques habitants... Il y a déjà de la pub, la réclame. Château, vous raviront. Chères auditrices et chers auditeurs, vous voulez nous rejoindre et participer à la grande aventure de la radio TSF? Contactez Théo, Teddy et toute la bande au 0970 407 306. Il y avait un téléphone? Par email, adresse@laradio.fr. Déjà le email à l'époque. Chères auditrices et chers auditeurs, merci de nous être fidèles et à bientôt. Alors, deux remarques, si je puis me permettre. Il me semble que déjà à l'époque, il y avait un espèce de bruit parasite qui faisait déjà... Oui. Bon, j'ai pas tout remis parce que... J'ai pas réussi à en faire un son aussi dégueu qu'à l'époque. Non, tu me l'aurais dit, je l'aurais fait en direct. Pas de soucis. Et alors, deuxièmement, la façon de s'exprimer aussi a changé entre les années 20. Avant, il parlait comme Général de Gaulle et maintenant, on parle plus comme un jeune. Non, mais il y avait des expressions, forcément, les expressions changent au fur et à mesure des temps. Vous ne passerez pas. Ah non, ça c'est. Tu non. Ne kiffais pas à l'époque. tu kiffais pas ta race. Non, ça n'existe pas. Ça peut se dire encore, ça. Ah non, mais justement, ça se dit maintenant, mais ça se disait pas à l'époque. Ah oui. En 1920. Oh, ils disaient pas ça. Oh, ils sont bon, bah, bref, merci pour cette petite promo. Et vous avez vu, une des stars existait déjà en 1920. Et elle avait déjà un numéro de téléphone. Eh oui. Et un mail. Et une adresse email. Et une adresse mail, bah, c'est ça bon. Qui est exceptionnel. Oui, alors c'est toute une petite histoire. Alors, donc je reviens quand même là-dessus. Uh-huh. On va remonter en 1907, où là, quand même, la TSF, la télégraphie sans fil. Pas que la station Indestar se développe. Alors, que font les pouvoirs publics? Eh ben, ils se disent, on va légiférer et on va relier, on va prendre un peu le contrôle. Mm. Sauf que chez nous, c'est jamais simple. Hein. Oui. Ça aurait, franchement. Alors, Alors, ça a été relié à plusieurs ministères. La TSF, donc le ministère des PTT pour les stations intérieures. Ouais. Le ministère de la Marine pour les stations côtières. D'accord. Aïe. Le ministère de la Guerre pour les stations évidemment militaires, mais aussi spéciales. Ouais. Et le ministère des Travaux Publics pour ce qu'on appelle, alors maintenant ça existe encore, mais c'est moins connu, le service des phares et balises. Ah, ah ouais. Oui, ok. Ouais, mais ça veut dire que quand tu voulais avoir, je sais pas, un renseignement sur l'émission de... Enfin, l'émission, je parle en termes techniques, hein, t'as un problème, etc. En fait, tu t'adressais à chaque fois à un ministère et c'était jamais le bon, quoi. Ça te faisait balader dans les couloirs comme on a l'habitude de le faire. Ah, t'es trompé de ministère, ça, ah, c'est pas de bol. Allez, au quatrième couloir, étage 5, bâtiment C, ouais, c'est ça déjà. Alors, la seule chance que tu pouvais avoir éventuellement, c'est qu'en cas de conflit, toutes les stations étaient rattachées au ministère de la guerre. Oui. Ah, bah oui, d'accord, ok, bah oui, forcément. Ah ouais, hein. Ouais. T'as un discours donc, à faire. Ça simplifie un peu. Ça passe. Bah, voilà. Dont le fameux voilà, général. Si de la pub. Voilà. La pub pour la guerre. Sauf que lui. Non. non. Achetez ma baïonnette. 19... Pardon. Vas-y, j'ai dit les conneries. En 1908 a eu lieu la première diffusion d'une TSF avec une voix dessus en France. Hein. D'accord. Alors, faut dire qu'ils avaient installé alors, un système d'antenne. Apparemment, j'ai retrouvé. Des photos, apparemment il y avait un truc installé par rapport à la tour Eiffel, c'était une antenne comme ça. Aujourd'hui on se demande comment ça fonctionne, mais bon, apparemment ça a fonctionné, hein, de toute façon. Ouais, c'est une perche, hein. C'est une perche, une épuisette de piscine reliée avec des câbles de moteur de bagnole. Ah, c'est les essais, hein, voilà. C'est, comme tout essai, c'est bricolé. Ouais. Voilà. Et le 6 mars 1909, enfin la tour Eiffel est sauvée. Est-ce qu'elle devient poste de réseau du commandement de l'armée française. Ok, wow. Bien joué. Donc, bien joué. Bien... C'est grâce à eux que nous pouvons encore admirer la tour Eiffel aujourd'hui. Et, les, et ses et antennes. Grâce à la radio. Ses antennes aussi. Dis, admirer ses antennes aussi. Hein, sur la tour. Il n'y a pas un resto aussi dans. Si, il y a un resto à la troisième étage, je crois. Ouais, au premier étage. Oh, je sais plus. Enfin bon, il y a un resto. Dans l'armature. Oui, dans l'armature. Ça sert à quelque chose quand même, la tour Eiffel. Comme de faire un maximum de fric pour tous les gens qui vont. Et c'est pas faux. Eh oui, c'est un attrape-couillon. Bah ouais, mais il y a même une américaine qui s'est mariée avec la tour Eiffel, donc excuse-moi. Il y a pas quelqu'un, enfin, il y avait quelqu'un qui avait essayé de la vendre aussi. Ouais, il y a quelqu'un qui a essayé de la vendre et ça marchait en plus. Ouais. Bon, bon. Pardon, Daniel. Ouais, alors on va faire quand même un saut dans le temps parce qu'entre temps il y a eu un petit concert musical improvisé, mais ce qui est quand même important c'est 1921 où enfin la première émission musicale, la première vraie émission et puis comportant après des infos comme on vient d'entendre, la météo arrive enfin sur les grandes ondes. La longueur d'onde étant 2650 mètres. Okay. C'est pas loin, ça. 2650 mètres. Non, c'est pas très loin. Ça a pu être plus loin. Hein. Ah. Alors, 2650 mètres, pour ceux qui veulent la fréquence, on va dire ça équivaut à quelque chose comme 70-80 kHz. Ok. Mmh. Enfin, c'est pour ceux qui voulaient la fréquence. Hein, ouais, parce que y a des là, par rapport à l'autre. Voilà. Okay. Donc, c'était une petite cabane qui était au pied de la tour Eiffel, une cabane en bois. Mm-hmm. Et apparemment, pour empêcher que les gens viennent et touchent à quoi que ce soit, ils avaient mis des panneaux attention, danger de mort. Ah, bah ça marche toujours, ça. C'est beau, ça. Ouais. Et l'un des premiers animateurs, j'ai retrouvé qu'un nom, j'aurais aimé en retrouver plus. Hein. Alors je sais pas si c'était Théo ou Teddy, on m'a pas donné le vrai prénom. Hein. Ouais. C'était Georges Géville, à moins que ça soit Yojolan, je sais pas. Ah, je dirais pas que c'est moi parce qu'on va dire encore que je suis un peu prétentieux et puis j'aurais pas encore. Non, on aurait juste dit que t'étais vieux, c'était le cas. C'est, comme dirait Teddy, c'est pas faux. Donc ça c'était dans les années 20 alors. Début des années 20, ouais. On va continuer dans les années 20. Le 6 février 1922, l'inauguration enfin officielle du poste de la Tour Eiffel. Ok, en 22. Et création après au PTT de la direction de la radiodiffusion nationale. Alors pour tous ceux qui se demandent ce qu'étaient les PTT, c'était les postes et postes transitoires télégraphes. Ouais, ouais non, c'est ça. Ouais. Mais ils ont déménagé de leur cabane à chiottes, du coup. Oui, j'espère. Qui a été précédé en deux avec France Télécom et puis la Poste. Ouais, depuis, ouais. Voilà. Alors, vous rendez-vous compte, on arrive au 7 juin 1923, où, à Paris... Et donc dans la France, il y a trois stations émettrices de radio. Waouh, waouh, waouh. Toutes contrôlé par l'État, on le rappelle. Hein. À l'époque, ouais. C'était vraiment le monopole de l'État. Non, parce que ça, c'est privé pour l'instant. Ah, pour l'instant, c'est privé, d'accord. C'est pas encore sous ouais. contrôle de l'État. Okay. Attends, si, il y en a une de l'État, pardon. Ouais. Il y en a une qui est par rapport. Mais les deux autres sont privés. D'accord. Donc, jusque-là, encore, on est dans. On avait tranquille. Un peu de liberté de parole, jusque-là. Radio libre. Ouais. Voilà. Presque. Voilà. Alors après, dans la même année, quand même, ils se disent on va pas laisser faire n'importe quoi, donc les gens doivent déclarer les récepteurs. Ouais. Et pour émettre, il faut quand même demander après, à partir de ce moment-là, fin 1923, une autorisation des PTT. Ah tu vois, déjà ça commence à, être, à serrer les vis. On va commencer à cadrer tout ça, tu c'est vois. Exactement et ça. Petite taxe, petite. Ouais, bah quand on peut soutirer de l'argent quelque part. Évidemment. C'est gratuit. Bah, c'est marrant, c'est toujours la même recette. Ah bah ça n'a pas changé. Il y a des recettes qui ne changent pas. Vive la France. Donc bah, ça se développe. On arrive à. En 1925, où là, à la fin de l'année, on recense 16 stations de radio en France, dont quand même 6 d'État. Il y en a quand même 10 privés, quand même. Ok. Hein. Ouais, non, c'est pas mal. Et donc, ça émettait dans tout le royaume ou c'était ou centralisé surtout à Paris. Il y a de grandes chances que c'était surtout non, à Paris. Hein. Alors, j'avais trouvé des puissances d'émetteurs. Mmh. La première radio avait un émetteur de 900 watts. Ah, ce ouais. qui fait qu'avec ça, on peut émettre, si on a une bonne antenne, surtout si on a une bonne antenne, on peut émettre sur toute la France. D'accord. Sauf qu'à l'époque, les antennes. C'était un bout de bois. La première antenne en bois de l'époque. Du monde. Ouais. Autour duquel on mettait un fil, par exemple. Là, la tour Eiffel, il y avait peut-être un bout de bois au milieu, je sais pas, j'ai pas été voir. C'est peut-être pour ça que. Il y a un creux au milieu, il y avait peut-être le bout de bois qui tenait, il y a eu un incendie et peut-être que le bout de bois a cramé. Ah hein. Bah Eiffel a dit on fait tout en fer sauf le bout de bois. Ça, c'est ça. En fait il ouais. a fait l'armature en bois. Alors... pour faire l'armature en métal après. Tu vois. Et après il a pas fini, il est mort. Enfin, voilà, évitez de bafouiller hein, quand même, c'est la tour Eiffel en fer et non la tour Eiffel en fer. Hein. Ah pas ouais. mal, pas mal. C'est bon. Ah merci. Ah bah oui j'en suis, bah oui j'ai pas fini, mais j'ai presque fini. Si et c'est pas fini. Ah, donc alors finalement bah l'État se dit ah pour ça hein, ça me plaît pas. En 1933 il commence à racheter tous les postes privés. Ah bah voilà. Et il faudra attendre 1981 pour que les radios retrouvent leur liberté. Ouais ok. Voilà. Et ça sera l'objet du prochain chapitre d'Indestar. Effectivement, on va parler de cette libération de la FM. Alors, les prémices hein, dans les années 70 et puis jusqu'à la libération de la FM avec toi, Jolan. Ce sera juste après un petit kiff ou même si un petit MC tu kiffes. Voilà. Qui est, Vite, Gisèle. Qui est un peu le rappeur d'Indestar, quelque part. Bah ouais. Et quand... Théo, bientôt dans les bacs. Attends, on en a pas d'autres, des vrais rappeurs sur Indestar. Oh si, on en a plein. Ouais, mais ils sont beaucoup moins connus qu'MC Tu Kiffes. Évidemment, c'est le plus connu. Et quand il fait un duo avec notre chanteuse country d'Indestar, c'est Gisèle. Ça donne en live hein, une chanson. Ça donne un duo improbable qu'on va écouter dans un instant sur Indestar dans cette émission à la maison spéciale 100 ans de la radio ce soir. On les fête jusqu'à 23h. Dans le rythme. Ah, wesh, gros. La famille. Allez, la famille. Yo les potos, hey gadjo, les gadjis, la Tessie, si on est là, yeah. Je voudrais frimer dans une lambeau, mais ma vie part en lambeau, gonflé à bloc comme des Michelin. J'en suis même pas à mi-chemin, borné en brief sur la 4 voies. Mais avant ça, faut que je trouve ma voix, comme un phare pour m'éclairer. Vas-y, Gisèle, fais-moi kiffer, hein. C'était ma destinée de te rencontrer, mais tout clignotant, et prends-moi en passant. Merci Gisèle, nous sommes à bloc. Je mets de côté tous mes tocs. Je vais me faire des thunes comme Al Capone, hyper chargé comme Alcaline. Écoute mon son comme il résonne. L'album sera en vitrine. Avoir la vie de Montana, une villa pour la mama. Mais qu'est-ce que tu es beau quand tu mets tout le beau. Montre comment tu fais. Vas-y, fais-moi rêver. L'important c'est pas la chute, bébé. Mais l'illusion que je chuterai pas. Je suis pas sûr du résultat, mais ça, ça changera pas en restant là. Oh yeah. Non. Oh. Big love to mon cœur. Ouais. MC Gisèle. Ouais. Mac, je connais un super hôtel Formule 1. Sur la 4 Yeah. Tu viens? Oh yeah. Yo! 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. Voilà un petit kiff radio supplémentaire. Ça, c'était quoi? C'était pour les 10 ans de la radio hein, qu'on avait fait il y a deux ans. Déjà maintenant. Gisèle M, si tu kiffes avec les habits qui vont bien, je crois que vous pouvez retrouver les vidéos sur le Facebook ou sur peut-être sur les vidéos sur Indestar.fr. Indestar.fr, vous y êtes peut-être pour écouter cette émission en direct ou en podcast d'ailleurs. Hein, elle t'a retrouvé sur toutes les plateformes. Ce soir, le sujet de la soirée qui a été le sujet de la semaine sur plein de radios. D'ailleurs, je tiens à souligner qu'il y a pas mal de radios qui ont joué le jeu en invitant des anciens animateurs, même des animateurs qui sont sur d'autres stations, qui sont pour l'occasion, ils ont été autorisés ont à venir sur leur ancienne station. Ouais. C'était plutôt cool. Et moi qui aime bien cette histoire de la radio, ça m'a fait kiffer. Je vais en reparler tout à l'heure, mais de voir Max, mon idole de jeunesse, sur Fun Radio comme à l'époque avec Jenny. En plus, ils sont fait une petite radio libre chez Karel, je crois, qui est l'animateur de la libre de antenne du soir. De Love and Fun, c'est ça? Ouais, toujours. C'était chouette de les avoir tous les deux. Et il y a plein d'émissions comme ça qui sont montées, ou même, je crois que c'est sur France Inter, tu me disais, Jolan, sur l'histoire de la FM aussi. Super émission, vraiment intéressante. Voilà, donc vous pouvez retrouver également les podcasts. Alors, nous, on s'était arrêté. Par contre, moi, je tenais à dire, nous avons invité un animateur génial qui arrête pas de parler, il s'appelle Théo. Ah bah, c'est-à-dire que j'étais pas invité, moi. Je suis venu parce que j'ai vu de la lumière, donc je suis rentré comme ça. Donc tout à l'heure, on s'arrêtait pendant les années 30, et tu disais, Daniel, que en fait, c'était le début de la privatisation, enfin pas de la privatisation, de la nationalisation, voilà, des radios. C'est-à-dire qu'à partir des années 30 et jusqu'aux années 80, toutes les radios qui émettaient qui était présente sur le sol français, en fait, étaient des radios d'État. Tu as raison, qui émettaient sur le sol français. Attention, tu as raison. Alors, non, parce que non, RTL n'était pas concerné. Oui, non, mais justement, qui en fait résidait dans leur studio était sur le sol français. Donc ça, c'était en fait toute la maison de la radio, Radio France, le grand bâtiment qui est à Paris, et ça se faisait, toutes les émissions se faisaient à partir de là. Dans les années 70, il y a eu aussi autre chose, c'est ce qu'on appelait les radios périphériques. Les radios périphériques, en fait, ce sont grâce à ce que tu disais tout à l'heure, Daniel, c'est que sur les grandes ondes, Tu peux aller loin. Donc en fait, il y a certaines radios qui se sont dit, ouais, moi j'aimerais bien émettre en France, mais cela dit, on peut pas être présent en France physiquement, donc on va installer nos studios en périphérie de la France et émettre sur la France. Et on est des connards et ça marche. C'était le cas effectivement de Radio Télé Luxembourg, donc RTL. Il y avait RMC, Radio Monte Carlo, il y en avait d'autres comme ça, Europe numéro 1. Et donc ce qui faisait que ces radios-là, dans les années 60-70, ont pu diffuser en France et l'État ne pouvait rien contre ces radios-là parce qu'ils étaient dans leurs droits. Et puis dans les années 70, il y a eu aussi autre chose. C'est le début, dans les années 70, c'est les États-Unis. On a pu commencer à voyager, à voir ce qui se faisait aux États-Unis. Ils avaient déjà des radios libres hein, à l'époque, ils avaient déjà du matériel. Et ce matériel-là, il y a des petites radios qui c'était devenu de plus en plus accessible. Ils se sont dit, on va les reprendre. En fait, on va racheter le même matériel et on va monter des radios. Sauf que c'était pas autorisé, encore une fois. Donc, c'est ce qu'on appelait les radios pirates qui ont commencé à se développer. Et puis au bout d'un moment, l'État a dit, c'était Valéry Giscard d'Estaing à l'époque, a dit non, ça marche pas comme ça. Moi, je veux pas de radio pirate. Sauf qu'il enfin c'était compliqué de trouver la source et puis de du coup il mettait des brouilleurs, ensuite il y a eu la brigade des ondes qui sont intervenues exactement, en fait il brouillait les fréquences, ce qui fait que tu commençais à écouter une émission de radio et puis d'un seul coup t'avais un gros pfff dessus, ta fréquence était brouillée, t'avais un bip à chaque fois que l'animateur parlait apparemment, donc... Ouais, bah il y avait plusieurs possibilités, mais en tout cas l'idée c'était de localiser. Alors ce que faisaient les radios à l'époque, c'était pas comme nous, on est installé à un studio, c'est que eux ils changeaient de studio toutes les semaines, parce que sinon ils se faisaient localiser, et quand l'État intervenait pour détruire une radio, il détruisait vraiment le matériel de la radio. J'ai un extrait, on a un extrait là avec Teddy, c'est justement, alors c'est fin des années 70, tout début des années 80, c'est la saisie d'une radio en direct, donc c'est Radio Vodka, et il y a une autre radio qui est en liaison avec cette radio-ci, et on entend vraiment ce qui se passe lors de cette saisie de radio, on écoute. Vous êtes sur l'antenne. Oui, et il y a les flics qui sont venus chez nous là. Et on est en train de résister, ils ont envoyé du gaz lacrymogène, mais on est toujours là-dedans. Hein. Ah, ils n'ont pas réussi à vous prendre encore. Non, ils n'ont pas réussi à rentrer. Est-ce qu'ils ont coupé l'antenne? Je pense, oui. Vous n'émettez plus? On est refermé là-dedans. Et vous comptez pas sortir, vous comptez pas vous rendre? Pas du tout. Vous attendez qu'ils viennent vous déloger avec plus de puissance? Ils ont envoyé de l'oxygène, tout ça, mais on vient là-bas, on a des masques, tout. Bon, vous n'avez plus d'émetteur là pour l'instant. Est-ce que vous avez un message à lancer à l'antenne? Oui, mais attendez, je vous laisse, je suis en train de briser là. Le gaz lacrymogène, attendez, je vous quitte. Et ne raccrochez pas, ne raccrochez pas. Mourez, mais sans raccrocher. Je veux dire, saisi en direct, ça fait beaucoup pour une seule matinée. En tout cas, si vous avez un appareil enregistreur, allez-y, c'est Radio Vogue. Bah, on était là, tu vois, on enregistrait. Non, mais voilà, donc ça, c'est une période qui était pas facile, hein. C'était pas facile, mais en même temps, c'était plein d'espoir. Surtout qu'en plus, à l'époque, il y avait le Parti Socialiste qui avait monté sa propre radio pirate. Et donc, en fait, en écoutant ça, bah oui, vas-y, Jolan, pardon. D'ailleurs, en parlant du Parti Socialiste, il y a un petit extrait de François Mitterrand que j'aimerais faire écouter aux auditeurs. Eh ben, on a l'extrait. Et c'est maintenant. Ce matin, donc, cette affaire a pris une tournure politique. Ainsi, M. François Mitterrand, qui se trouvait aujourd'hui à Bruxelles, a déclaré que cette action de la police encourageait le Parti Socialiste à poursuivre sa campagne de sensibilisation des Français à propos de la mainmise du pouvoir sur les grands moyens d'information. Ce sont les termes de M. Mitterrand. M. Mitterrand a ensuite répondu à la question de savoir si la création d'une radio pirate par son parti n'était pas en contradiction avec la position officielle du PS favorable au maintien du monopole de radiodiffusion en France. Écoutez, ce monopole, à partir du moment où il est confisqué en propriété personnelle du président de la République, ou en chantier sous le monopole quasiment absolu des partis de la majorité, c'est une trahison du monopole qui fait que nous saisissons l'opinion par les moyens qui nous appartiennent, dont nous disposons. Vous voyez, c'est un moyen qui risque d'être fragile, mais on recommencera. Alors, oh là. Donc ensuite, ouais. Arrive mai 80, l'élection de Mitterrand, et que se passe-t-il ensuite, Jolan? Eh bien, que se passe-t-il? Il avait tenu une promesse avant son élection, et c'était de rendre toutes les ondes, tout le monopole libre. Donc du coup, ce qui veut dire que toutes les radios pirates comme Radio Vodka, maintenant sont désormais des radios libres et peuvent... Mmh. Et peuvent émettre en toute tranquillité, et puis ils ont plus de liberté, hein. Ils ont plus de liberté, ils ont plus d'action dans leur domaine, ils peuvent inviter des personnalités, ils peuvent faire de la pub. On va revenir sur la publicité parce que ça s'est pas passé comme ça. Oui, puis de toute façon, il les a pas libérés tout de suite. On est d'accord. Quasiment. Oui. En fait, quand il a été élu, ça s'est fait dans le mois ou le mois et demi qui est venu. Ouais, non, ça s'est fait vraiment très rapidement. C'était bien en fait. Ça avait été rapide. Ouais. On va un peu vite là. Je voulais juste revenir sur ce qui s'était passé. Par exemple, je reviens sur la saisie de Radio Vodka et de Radio et à Bruxelles aussi. On peut dire que François Mitterrand était là au mauvais moment. Mais ce qui risquait les mecs, ce que je te disais en off, c'est qu'il y avait une loi qui avait été faite par l'État. Donc s'il se faisait attraper. Je suis pas sûr qu'il y ait eu des condamnations. Des condamnations, voilà, je suis pas sûr qu'il y en ait eu à cette époque-là, mais il risquait entre un mois et un an d'emprisonnement, et il risquait 1000 francs. Donc, ouais. En euros, je sais pas c'est quoi, c'est 60 euros. Non, 1000 francs, c'était pas beaucoup, mais enfin, c'était pas beaucoup. 1000 francs, ça fait 150 euros. Ouais, mais surtout, il y a un an de prison pour exprimer ce. Avoir le droit de la liberté d'expression. Ouais, alors ça, il n'y a jamais eu. En fait, c'était vraiment. L'idée, c'est qu'il ne voulait pas qu'il y ait de radio dont il n'avait pas le contrôle qui diffuse. Donc, il n'y a pas eu de condamnation. C'était vraiment de la menace pour inciter les gens à ne pas le faire. Mais en fait, il y avait tellement un mouvement des associations qui se créent, etc. Et ce vent de liberté et cet espoir que la libération de la FM se fasse un jour, que les gens, ils y sont allés, quoi. Ils ne sont pas posé de questions. De quoi ? Je suis resté bloqué sur le calcul. Non, mais c'était francs. Pas énorme. Ça fait moins, ça fait 800 ou 900. Attends. Oui, bon, on va pas. Attends, tu parles de quoi ? 1000 francs ou 6000 francs ? Non, 6000 francs, il a dit. Non, 1000 francs. En vrai, il a dit 6000. Hein. 1000 francs, ça fait 152 euros. Mais par contre, 1000 francs au début des années 80, ça faisait un peu moins d'un SMIC. Ouais, voilà. Triste. Donc c'était pas énorme. Non, c'était pas énorme dans l'absolu pour une asso, mais bon, c'était histoire de dire voilà, il peut vous arriver des bricoles, et c'est surtout qu'il y avait saisie et destruction du matériel, et ça c'est moins drôle. Bah ouais, évidemment, parce que les émetteurs coûtaient un peu plus cher. On a sauté un peu des étapes, mais ouais. Je voulais revenir au début de mon sujet. Conscient du phénomène, en 1980, Radio France, c'était une radio qui était à l'État, il me semble. Ah bah oui, Radio France, c'est pas un État. C'était les seules radios qu'il y avait à l'État. Du coup, ouais. ils ont proposé d'ouvrir 5 stations pour faire évoluer la chose. Ils ont ouvert une station Radio 7 et Radio Bleu pour cibler les jeunes et la troisième jeunesse. Ouais. Et puis il y avait les 3 stations régionales, Fréquence Nord que je ne connaissais pas, Radio Mayenne et FN. Radio France Mila. Fréquence Nord. Voilà, donc ils ont quand même essayé de faire les efforts, l'État, malgré. Oui, mais bon, encore une fois, c'était trop tard. Les radios pirates étaient trop présentes. Ouais, ouais, mais c'était un peu trop tard. C'était une réponse à un problème qui. Enfin, un problème. À une envie qui était déjà. Tu vois. Qui était au-delà de ce que pouvait proposer une radio comme Radio France, en fait, enfin comme le groupe Radio France. En fait, en travaillant le sujet, j'ai su qu'il y avait. En fait, l'histoire a démarré, enfin tout bêtement, oui, on peut dire ça. Il y a une plainte qui a été portée contre X, donc du coup, ça a fait que. Et pas Y ? Non. X, qu'est-ce que les gens s'en plaignent de ce monsieur X ? Ouais, il y en a beaucoup. Alors que les stars du X, toutes les démarches de répression pour les radios pirates ont commencé depuis cette plainte à l'État, en fait. Donc, et c'est comme ça que François Mitterrand aussi a affirmé son mécontentement et qu'il a fait bouger les choses lors de son élection. C'était lui, mais je vais juste me permettre de témoigner un petit peu quand même. Ça, à l'époque, ça a quand même beaucoup joué en sa faveur au moment de l'élection. Ouais, bah oui, parce que totalement. Par rapport aux jeunes, je vais dire ce qu'on pourra appeler un vent de liberté. Il y a d'abord eu mai 68 qui était contre, je vais dire, un ordre établi, mais ça s'est pas arrêté là. Les gens ont eu besoin de continuer à montrer à vouloir vraiment s'exprimer. Ouais. Et comment s'exprimer à l'époque, à part la radio, il n'y avait pas d'autre moyen. Donc, pour François Mitterrand, ça a été, je pense, un argument de campagne. Surtout qu'il y avait, quelque chose de sous-jacent en plus là-dedans. C'était la libération des ondes de la FM. Mais c'est vrai que plus globalement, ça voulait dire il y a une libération de la parole et la parole est au peuple aussi. Il y avait cette idée-là. Donc, forcément, absolument. Je pense que ça. Absolument, ça insufflé, tu résumes bien là. Et du coup, suite à la libération des ondes, ce que je disais en off tout à l'heure, c'est que les radios il y a des radios qui ont apparu, beaucoup. Beaucoup d'associations aussi qui sont apparues. Mais non, Indestar, on l'a entendu tout à l'heure, ils étaient là au début. Et on était là, c'est là où tout commence. Et puis ces radios, ils ont pu inviter, comme je vous disais, des communautés, des groupes spécifiques, des artistes qui ont pu ensuite accéder à des médias, qui ont pu continuer à cultiver leur identité et puis aller faire connaître aux autres. En fait. Ouais. Donc, alors ça, c'est le bon côté de la chose. Via la radio et via les médias. Ouais, ça c'est le bon côté de la chose, mais c'est vrai que début 80, après la libération de la FM, ça a été quand même très vite le gros bordel parce qu'il y avait aucune autorité qui gérait en fait tout ça. Donc déjà avant, dans les radios pirates, il y avait énormément de radios qui se marchaient un peu dessus parce que tout le monde avait son petit émetteur, etc. Et juste après, c'était le gros bordel. Et il y a autre chose aussi. Je sais pas si tu voulais en parler au niveau de la privation de la pub. Alors du tout non, mais par contre je me suis pas penché sur ce sujet là, mais d'ailleurs qu'est-ce qui s'est passé après, genre tu disais que c'était un sacré bordel. Papa Théo, qu'est-ce qui s'est passé avec la privatisation de la pub? Alors je suis curieux parce que j'ai pas travaillé à ce point là. Je reviens sur deux étapes assez importantes, c'est que effectivement il y a eu la libération de la FM en 81, sauf que très vite François Mitterrand se rend compte que il y a masse de stations et surtout sur Paris qui arrivent et finalement on a libéré la FM, c'est bien, mais comment on contrôle tout ça? En fait, il a dit « Ok, vous faites de la radio, mais vous êtes privé de pub. » C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de gagner de l'argent. Et finalement, ça s'est vraiment coupé l'herbe sur le pied aux stations qui émergeaient, parce que c'est bien d'avoir la liberté de faire de la radio, mais quand tu as aucune subvention, aucune ressource pour payer tes animateurs, pour faire venir les stars, etc., etc., payer les émetteurs, ça devient vite problématique. Ouais. Et là, à l'époque, il y avait une radio qui avait réussi très rapidement à prendre son envol à Paris et qui s'adressait à la jeunesse, c'est Nouvelle Radio Jeune, donc NRJ, qui, en fait, en 84, s'est dit, ils avaient capté quand même pas mal d'auditoires, ils se sont dit les mecs, il faut qu'on se sorte de ce bourbier parce que c'est pas possible, à un moment donné on peut pas vivre, donc on va manifester. C'est-à-dire genre ils ont pris à partie les gens, Ils leur ont dit, ouais, écoutez, vous écoutez Énergie, nous ce qu'on veut, si vous voulez qu'on, qu'on survive, et au nom de toutes les radios, les nouvelles radios libres, on a besoin de vous. Et là, ils ont organisé une manifestation à Paris, et ils s'attendaient à avoir, allez, 30 000 personnes. Sauf qu'ils ont été 300 000 personnes à défiler à Paris. Et là, le gouvernement s'est dit, ah, ok, il y a du monde, en fait. Les gilets jaunes sont déjà... Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Donc, ils ont lâché un peu du lest. Ils ont dit, bon, allez, ok, vous avez gagné. Vous avez le droit de faire de la publicité. Mais que pour le boulanger du coin. Non, mais bah, c'était un peu ça au départ. Mais vous avez le droit de faire ça. Et à partir de cette date-là, donc à partir de 84, il y a une petite structuration des radios et il y a eu la naissance des réseaux. Donc, les réseaux, c'est le fait d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, une tête de réseau qui était souvent parisienne. Et puis, dans des locales, en fait, d'une même station qui émettaient en région. Donc il y a eu RFM, il y a eu Énergie, il y a eu Europe 2, Fun Radio, Skyrock et plein d'autres en fait qui ont émergé comme ça à partir de 1985-86 et ça a commencé à se créer. Et tout ça c'était toujours autant, même s'il y avait une structure, mais c'était toujours un petit peu le bordel en termes d'organisation. Et pour que personne se marche dessus, en 89, il y a l'État qui crée le CSA. Donc le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui est toujours actif. Et quelle superbe invention. Alors, pas forcément. Alors, d'ailleurs, tu parlais de ça, enfin, je te coupe, Théo. Ouais. Mais j'avais vu le CSA, ou si je dis pas de bêtises, j'ai vu un autre truc. Et j'ai pas retenu le nom TSF. La FFI ? De quoi TSF ? Non, mais alors TSF, Daniel en parlait tout à l'heure. Bah, TSF, c'est la télégraphie sans fil. Éventuellement, TDF, éventuellement. Ok, non, mais j'ai la Télédiffusion de France, qui était un organisme pour la partie technique de diffusion. D'accord, ok. Et donc le CSA, c'est lui qui va avoir comme rôle de chapeauter, un petit peu d'organiser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on est, ne serait-ce que sur Paris où la bande FM est quasiment saturée, mais on a eu vraiment une fréquence, personne ne se marche dessus. Donc il y a eu forcément des malheureux hein, dans l'histoire. Il y a eu des fréquences qui ont fermé, etc. Et c'est surtout que maintenant, quand on est en région, on a, parce que ça, c'est affiné au fur et à mesure du temps, mais l'idée, c'est d'avoir, par exemple, une radio rock, une radio rap, une radio pop, une radio old, etc. Qu'il n'y ait pas dans une région 36 000 radios voilà, country par exemple, voilà, et puis pas de radio rap par exemple, voilà, il y a une diversité et ça, ça a été mis en place par le CSA et puis ce qui a été mis en place plus tard, on y reviendra peut-être, c'est au niveau des quotas français d'imposer un certain nombre de quotas de chansons chantées en français. Ça c'est le CSA aussi qui l'a mis en place. Ah non, on a MC Tuki fait Gisèle, on a Hummel et Théo. Ah bah oui, non, on fait français ce soir là, pour le coup. Attends, on va même avoir du français encore et après. Et qu'est-ce qui nous attend là juste après? Ah ouais, c'est du français, j'avoue. Poney. Alors le nom n'est pas français, les Fire Poney. Moi juste, j'avais juste un truc à vous dire pour. Ah mais t'es en coupe hein. Pour conclure le sujet, c'est imaginons on retourne en arrière où les radios n'ont pas le pouvoir de comme on a maintenant, genre de pouvoir. Entre 1933 et 1980. Voilà. Je te rassure, on n'a pas beaucoup de pouvoir non plus. Hein. On est comme ça, une des stars où on est en place. Il y a la police qui débarque. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais nous on a pas pouvoir, hein, attention, hein, nous on a Je leur propose un verre. Et... Hein. Non, mais je pense qu'on ferait la même chose qu'à l'époque en fait. On se battrait de la même façon. Vous résistez, vous attendez qu'ils vous. Bah oui. Oh, je les défonce direct. Non, mais je saute dehors. Bien sûr que je pense qu'on si on était dans ce contexte-là, on ferait la même chose, hein, on se barricaderait, on essaierait de changer de lieu pour pas se faire avoir, on serait dans la cave de Teddy, là peut-être à l'heure actuelle. Impossible de le trouver. Pour tes idées, hein, normalement. Ouais, ouais, c'est, non, mais c'est quand même incroyable que des gens se sont battus pour. Et c'est bien d'ailleurs. Incroyable, non. Mais battu, oui. Mais heureusement, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des gens qui avaient peur d'une, par exemple, que ça puisse leur porter préjudice, que des gens comme toi, moi ou d'autres. Disent ce qu'ils ont envie de penser juste pour distraire les gens le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. On avait vraiment peur de lâcher du lest et que des gens puissent s'exprimer autre que le pouvoir. Quoi. Et heureusement, aujourd'hui, ça, la parole s'est quand même bien libérée. On a le droit de donner son opinion. Alors, moi, et personnellement, le FN. Non, on a le droit de donner son opinion, ouais, c'est ça qui compte. Tu voulais rajouter quelque chose, Jola? Non, je voulais juste dire que c'était beau l'évolution qui s'était passée depuis ces 100 ans. C'est vrai, on a eu la chance, actuellement d'être dans une époque plus libre que quand il y avait ce monopole d'État. Ce que je vous propose, parce que ce soir on a une programmation exceptionnelle, vous l'avez peut-être remarqué depuis le début de l'émission, un autre groupe, Indestar, ce sont les Fire Poney. Alors les Fire Poney, ils étaient venus nous voir dans les studios il y a 3 ans et ils avaient fait un album Groupe international. Groupe international, maintenant, c'est pour ça qu'on les voit plus, ils sont oui. en Roumanie à l'heure actuelle. Ah bah ils ont écouté le concert de tout à l'heure. Certainement. C'est sans doute possible. Certainement, ils doivent être en direct ils radio, mais même à cette époque. Dirigés vers la Roumanie, mais en fait en Afrique. Et on va écouter le titre Chaud Patate sur Indestar, qui était interprété en live dans les studios d'Indestar à l'époque. Et bien entendu, tout ça n'est que connerie, tout ça n'est que radio, tout ça n'est qu'Indestar. On a trop la pêche, je suis pas la mêle. Bah, bonsoir, good evening et konnichiwa. Ah, on a trop la classe, pas celle de prix. Merde, la musique entre dans une nouvelle ère. Je suis sûr que tu vas kiffer souci. Gueule, en cassette sur la radio, t'as pas. Gueule, en manche babette pour l'achat d'un car. Hey, donner ses données, rependre ses volets. Firepower, firepower, hey. Chaud patate, chaud patate, chaud patate, hey. Solo. C'est bien. Ouais. Hey les guys, on est chaud patate. Hey les girls, vous êtes chaud patate. Ouais. Hey les friends, ils sont chaud patate. Ouais. Et t'es dit qu'il est chaud patate. Ah, hey. Si tu comprends toujours pas, nous on est chaud patate. Woo! Eh ben, 21h23h, vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. C'est reparti pour un tour. On est chaud patate. Hein. Ouais, bah oui, on est grave chaud patate ce soir dans cette émission à la maison. Sur Indestar jusqu'à 23h grand minimum, hein, parce qu'évidemment, c'est fête de la radio, c'est les 100 ans et on aime bien parler radio. Et on est déjà retard que tous les soirs. Peut-être qu'on va dépasser, surtout que. Alors là, on a fait. C'est même sûr, hein. Oui. Bah. Et remarque, là, on a fait plus de 50 ans de radio en pas très longtemps. Ouais. Bon, oui, c'est pas faux. Il est possible que là, avec. Juste en une heure. Avec la partie suivante, je risque de dépasser un petit peu parce que c'est mon moment. Alors, préparez les mocassins, allongez-vous, mettez-vous bien. Ah, mettez-vous. Et écoutez bien. Exactement. Alors, j'ai pas réparé pas mal d'extraits. Alors, il y a des gens qui vont chez le psy, vous allez chez Indestar et écoutez Théo. Donc, nous, on va parler des années 90 et 2000 pour commencer. Non, 90, je crois, pour commencer. Et on fera une deuxième partie sur les années 2000-2010. Donc, dans les années 90, on a vu à l'instant, les années 80, que sur. J'ai parlé plus précisément des radios musicales parce que c'est là où se sont passés la plupart des changements. Et après s'être constitué en réseau, les musicales vont chercher à se différencier des radios talk dans leur contenu parlé. Parce que niveau musical, elles ont mis en place leur speak qu'on connaît aujourd'hui. Vous savez, les interventions très courtes entre deux disques, comme on les fait encore aujourd'hui avec ce qu'on appelle les cages, hein, on connaît bien ça, pour le top horaire, on parle à un moment donné et puis après on doit s'arrêter. Voici par exemple un exemple de notre jeune D-Fool en 91 sur Fun Radio. Et dès maintenant, c'est Valérian sur Fun Radio avec davantage de top et ça va pulser parce qu'on vous a pas tout dit. Il y aura même Daniel Balavoine quand on arrive en ville et Michael Jackson pour Give It To Me. Tu m'étonnes que ça pulse avec Daniel Balavoine sur Fun Radio. Waouh. Et donc pour les tranches un petit peu plus longues, bah ça va passer sur par un ton hérité des radios pirates et des radios libres donc des années 80. Et en 1990 arrive sur Fun Radio, c'est eux qui dégainent les premiers avec Arthur, qui est surnommé à l'époque l'animateur le plus con de la bande FM. Et ça porte bien son nom. Donc dans la bande, il y avait aussi un certain Maître Lévy. Manu du 6-10 sur Énergie actuellement. Et ensemble, ils vont mettre en place des concepts d'échange avec les auditeurs et des jeux qu'on a plus ou moins encore aujourd'hui. Bon, sauf qu'à l'époque, les jeux phares, c'était par exemple l'Orgasmotron, où deux femmes faisaient un concours de jouissance en live. Il y avait aussi le fait d'aller chez son voisin pour lui casser sa vaisselle. Voilà, ça faisait du bruit. et celui qui faisait le plus de bruit gagnait quelque chose. Là, c'était comme ça les jeux à l'époque. Bref, des trucs qui nous semblent quasiment impensables aujourd'hui. C'est pas faux. Et c'est pas très MeToo d'ailleurs non plus. Oui, oui, j'y ai pensé, je me suis dit, oh, le féministe, concours d'orgasme. Oui, parce qu'à l'époque, genre. Ou alors, c'est concours d'orgasme, mais général, tu vois, oui. Mix, tout le monde. Faut que ça soit tout le monde. Non, mais en plus, par exemple, Manu à l'époque, alors t'avais beaucoup d'auditeurs qui venaient à la radio, il était loin d'être le seul à le faire, mais genre, il arrêtait les auditrices dans le couloir, tu vois, avec son bras, en disant, moi c'est Manu, 4 lettres, comme love ou comme viol. Voilà, donc ça c'est pareil, ça passerait plus aujourd'hui. Ça ne passerait plus. Mais sinon, si tu veux t'amuser à écouter des sons comme ça, tu veux un match de tennis féminin et tu enlèves l'image, tu gardes que le son. J'avoue, c'est comme l'orgasme. Et tu vas voir, c'est. Ouais. C'est pas faux, c'est pas là, faux. Là t'es épaté parce qu'il y a duré une ou deux heures. Là, ouais. Alors là t'es sous le cul. Oui, voilà. C'est bon pour ton self-estime. Jeu de mots. Et puis les années 90, c'est aussi l'arrivée d'un concept, alors qui est aussi repris des États-Unis, mais qui va cartonner à une époque. On en parlait tout à l'heure. Le jungle. Non, mais quand on était jeune, ouais. On n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas non plus la télé parce que c'est les parents qui la regardaient. Donc, on va utiliser la radio pour parler entre nous et demander conseil avec les libres antennes. Et le concept de libre antenne, c'est arrivé au début des années 90. Alors par Skyrock en 91 avec Malheur et Bonsoir la planète, l'émission. 91, vraiment début des années 90, et ça va prendre une ampleur phénoménale juste après avec l'émission Love in Fun sur Fun Radio avec le doc Eddie Fool qui devient vraiment le rendez-vous des jeunes le soir. Sexe, capote et rock'n'roll. 05 70 5000. Voilà, donc ça c'était pour appeler Love in Fun. Vous aviez aussi le Minitel 3615 Fun Radio, ouais, pour laisser un message. Et donc pour vous donner une idée de ce que c'était, hein, cette émission, c'était vraiment, voilà, on appelait, alors ça se fait encore aujourd'hui plus ou moins, mais on appelait, il y avait donc Difool qui était l'animateur et le doc qui répondait à des questions un peu plus tout de manière, n'importe quoi, mais souvent sexuelle. Souvent sexuelle, hein, parce qu'on avait parce qu'on est jeune et comment ça se fait. Et comment ça c'est que j'ai des poils? Et comment ça c'est que... Voilà, j'ai des boutons sur la gueule. Comment je fais pour les enlever? C'est horrible. Ça, exactement ça. Et donc ça fédérait énormément de monde, pour vous donner un ordre d'idée des chiffres. Et ben ça fait toute la France. Bah non, mais Difool, qui est toujours là à l'heure actuelle, alors plus sur Fun Radio mais sur Skyrock le soir, et en même temps que nous, donc continue de nous écouter. Mais il fait au quart d'heure moyen, donc ça veut dire qu'à un quart d'heure donné, on dénombre le nombre d'auditeurs, on fait une moyenne, et actuellement il fait 50 000 auditeurs. Voilà. Ah, nom de Dieu! Bah, c'est pas beaucoup, parce que à l'époque. C'est canal, ouais. Bah, non, 50 000 auditeurs, c'est pas beaucoup, parce qu'à l'époque, ils étaient. Sur Love in Fun, ils étaient 1 300 000 à écouter. C'est un peu plus moyen. Énorme. Donc c'est un peu plus beaucoup énorme. Oui. Effectivement. Donc bien sûr, quand ça cartonne, il y a des politiques qui s'en mêlent en disant ouais, mais c'est mauvais pour la jeunesse, le langage est cru, ta. Et puis les autres radios vont copier. Genre copier-coller. Par exemple, la grande concurrente de Fun Radio à l'époque, dans les années 90, c'était Skyrock. Donc ils vont remplacer Malheur et mettre un doc. Et une star du X à la place, donc Tabata Cash, sur le même créneau horaire. Donc c'est vraiment le même concept, sur le même créneau horaire. Oh là là. Alors ça n'a pas marché de ouf parce que bon, Tabata Cash c'était pas Difool, hein. Et puis le patron de Sky d'ailleurs, Pierre Bélanger, le savait, c'est pour ça qu'il va recruter Difool par la suite. Mais on est quand même dans le fight à l'époque et on pouvait faire quelque chose à l'époque qu'on peut plus faire aujourd'hui, alors, sauf Indestar parce que la preuve en est, mais c'est le fait d'aller écouter les autres radios, voire même de les appeler en direct. Et là, je vous ai trouvé un extrait où on sent bien l'amour entre Tabata Cash et Difool, parce que du coup, le producteur de Tabata appelle Love in Fun, et du coup, on est en direct sur les deux radios, Skyrock et Fun Radio, et petite entrevue. Allô? Ouais. Comment tu t'appelles, toi? Moi, Frédérico. Ah, tu es l'ingénieur? Oui, c'est moi. Ah. Bonjour, bonjour ingénieur, je te présente le doc. Salut, monsieur le doc. Salut. Alors. Ah, je connais. Et moi, je vous présente une jeune fille qui est très mignonne et qui vous aime beaucoup. Elle s'appelle Tabata Cash. Ah, très bien. Alors, on vous écoute. Il me semblait bien que c'était de l'amour. Ce qui paraît que vous avez lancé un appel, vous n'arriviez pas à nous joindre. Bah oui, on n'arrive pas. Et bah ça y est maintenant. Bon, bah super. Tabata, tiens, je te présente Doc Difool. Ouais. Tu sais, c'est des amis dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Et alors, ils appellent pourquoi? Non, bah, Tabata Cash, réfléchis avec ton cerveau. réfléchis avec ton cul, toi? Non, pas vraiment, rarement, non. Pourquoi ça t'arrive? Moi, ouais, ça m'arrive. Bah oui, c'est normal. Assez régulièrement. Bah oui, quand on n'a pas grand-chose. Voilà, donc on sent bien tout l'amour. Bah, dans le début, ça tâte le terrain. Ça arrive à mollo. Exactement. Puis au bout d'un moment, ça part. Exactement, et c'est pour ça qu'en fait. Je vais te couper, Théo, oui. Mais Dichou, en fait, a été recruté en 91 sur Skyrock? Non. Il était sur Fun Radio dans les toute la première moitié des années 90. Et il part sur Skyrock plus tard en 97, je crois. Donc voilà. Donc là, il était Love in Fun, il était Fun Radio. Et donc Skyrock, bah, pour essayer de contrer, alors ils vont avec Tabata, ça va pas très bien marcher. Ils vont chercher à faire autrement. Et il y a un truc qui marche bien aussi à l'époque dans les années 90. Et encore une fois, ça marcherait plus du tout maintenant. C'est le fait de pas forcément être gentil. Genre dans D-Fool, ouais. Il était gentil, tu vois, il accueillait les gens, bah, comme il est aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Il y avait un autre ton qui était de dire qu'est-ce que je veux, ferme ta gueule. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait dans les années 90 il y avait pas ou très peu de filtrage des auditeurs au standard. Vous savez que quand vous appelez une radio, vous avez d'abord le standard. Tu l'avais direct. Et bah là, soit tu l'avais direct, soit le standard, bon, ouais, il disait, allez, ok, on te met à l'antenne. Donc à peu près tout le monde pouvait arriver à passer jusqu'à l'antenne. Sauf que le jeu, c'est que l'anime pouvait t'envoyer chier s'il trouvait que ton sujet était pas intéressant ou s'il avait pas envie de parler de ça, tout simplement. Et pour ça, il y en avait un qui était le roi et qui était sur Skyrock après WeFM. C'était Maurice. Maurice Radio Libre. Et je vous propose d'écouter le témoignage pour une télé, hein, d'un jeune des années 90 sur le fait de pouvoir justement être rejeté comme ça, comme une merde. Qu'est-ce que t'aimes chez lui vraiment? Sa sincérité, tu vois, qu'il peut te jeter comme ça, comme si t'étais rien. Et ça te plaît de te faire jeter parce que tu respectes pas sa règle? Ouais. Bah ouais. Bah ouais. J'aime me faire jeter comme un gant de toilette. J'aime me faire jeter comme une merde. Voilà. Donc des concepts qui marchent et une bataille pour l'audience de part et d'autre qui vont pousser les radios à aller toujours plus loin et toujours plus loin dans le franc-parler et même dans le trash. Aller dans ce petit jeu là. Alors par exemple en 94, je vous ai sélectionné, il y a la matinale de Skyrock avec une émission qui s'appelait Les Monstres, qui est animée par un certain JC et Maître Lévy, qu'on retrouve hein, dans cette émission, dont le slogan est première émission de Trash Radio, qui porte bien son nom, on va y revenir, mais d'abord un petit clin d'œil à Teddy avec un auditeur qui a un métier qu'il adore. Ta passion, c'est ton boulot. Hein. Ah oui, vraiment beaucoup. La boulangerie, c'est pas un métier, c'est une passion, c'est un hobby, c'est un sacerdoce. Ceux qui vont s'en sortir sont ceux qui l'aiment, leur métier. C'est vrai, il faut aimer son métier, c'est beau ce que tu dis. Ouais, non, on va avoir du mal à s'en sortir, alors. Comment t'es venu cette passion de la boulangerie? Alors, en pétrissant des miches. Ça doit fuser les jeux de mots dans la boulangerie. Ah oui. Avec les religieuses. Vas-y, fais-nous. J'ai fait Paris-Brest en vélo. Vas-y, fais-nous le hit parade des jeux de mots avec les pâtisseries. Boulanger, avec les bras si longs, que sous la table ils se grattaient les boulangers. Avec le bras si long, que sous la table ils se grattaient les boulangers. Avec les bras si longs, que sous la table ils se grattaient les boulangers. On pourrait faire un gage avec ce truc. Hein. Ah, voilà. Bon, au niveau des jeux de mots de la boulangerie. Ouais, bah ça va autour de bâtard, de belle miche. Oui. On est dans une boulangerie, qu'est-ce que je vous sers? Les couilles, mais pas trop fort. J'aurais pas dit ça comme ça. Ouais. Ah oui, mais c'est joli. Ah, mais on écoute, hein, on est. Moi, j'aime bien, ouais. Ah, mais attends, même. C'est frais, t'es boulanger aussi, on va pas te demander non plus d'être prix Nobel, tu vois. Voilà. Voilà, bonne ambiance, hein. J'ai reçu la même réflexion une fois. C'est vrai? Pas prix Nobel, mais on m'a demandé qu'est-ce que je foutais en boulangerie parce que j'avais gagné un tournoi d'échecs quand j'étais jeune. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fous en boulangerie? Ta gueule. Ça, c'est aussi la boulangerie à conneries, en fait, c'est ça? Ouais, va, débile. Débile profond. Ok. J'ai bien aimé leur petite chanson. Oui, hein, bah t'as vu. Je la connaissais pas. Le temps était plutôt libéré. Alors évidemment, après, comme maintenant, la personne pouvait jouer et pouvait gagner. Sauf qu'à l'époque, il y avait. Alors déjà des cadeaux à gagner, mais on était plus dans la compile si top d'un bloc que dans les 10 000 euros qu'on t'offrait, quoi. Et voire même des fois, ça allait. C'était encore moins. Bravo, tu as gagné. Super. Bravo à toi, Raphaël, tu as assuré au niveau du rire. Oui, bien sûr. Raphaël, tu gagnes 2 points, ce qui te permet de rejouer la semaine prochaine. Je te rappelle qu'au bout de 45 points, tu gagnes des carambars. Ah, ils sont durs. Oui, mais c'est un peu la règle du jeu, vu qu'on est leader à Cutigny, on va pas se faire chier pour vous faire plaisir. Et voilà. C'est tellement bon. Il y avait autre chose aussi qui était beaucoup moins respectée à l'époque que maintenant, c'est l'information. Parce qu'aujourd'hui, au moment du flash info, déjà, il y a ce principe de décrochage. Donc quand on est en région, on n'entend pas le national. Mais c'est surtout silence radio. Sauf qu'à l'époque, bah, l'info, elle pouvait être coupée à tout moment par des vannes, par des reporters bidons et voilà, autres. Oh. Quand t'étais boulanger, quand t'étais quand journaliste, c'était beaucoup moins cool. Voici par exemple la journaliste de Skyrock qui essaye déjà de reprendre la parole après une interruption d'un gag. Et là, elle va essayer de faire la météo. Elle va essayer. À vous, Annie Kremer. La météo peut-être ? Oui, la météo. Quelle, pareil. Il devrait y avoir de la pluie pour tout le monde aujourd'hui, mais il y aura tout de même des éclaircies en fin d'après-midi. Annie, la question que everybody se pose aujourd'hui, y aura-t-il de la boue ? Il n'y a pas de boue. Oui, mais là, je dis, nous avons notre reporter de la boue. Oui, bonjour à tous, bonjour aussi les monstres et bonjour aussi à vous, Annie Kremer. Écoutez, ici, j'ai Alain Guinemont von Boul et Tauben Glaufen qui est avec moi. Alors, monsieur, quel est votre problème ? Bah, ça va pas, hein. Ça va pas. Pouvez-vous nous expliquer plus précisément, là ? Bah, oui. Il m'arrive que des problèmes, quoi. Ma femme m'a quitté, mon patron m'a viré, et je suis alcoolique et il n'y a plus une goutte à boire chez moi, quoi. Je suis à bout. Excusez-moi, monsieur, mais est-ce que vous pouvez répéter votre dernière phrase ? Je suis à bout ! Tout ! Je oui. suis à bout ! Écoutez, comme vous l'entendez encore, cet homme je est à bout. Donc je on peut le dire aujourd'hui, il y a de la boue. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça gêne de tirer avec vous. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça gêne de dealer avec nous. 6h30, 9h, les monstres. Voilà, et c'était comme ça tous les jours. La pauvre journaliste, Annie Kremer, qu'on salue. Ouais. Elle a jamais pu présenter son JT en entier, non. C'est la légende. Non, jamais. Le problème comme ça de délirer avec l'info et puis d'une manière générale d'être poussé à faire de plus en plus trash, c'est qu'à un moment donné, tu peux aller trop loin. Et tu peux te déborder. Et ça, malheureusement, c'est arrivé à plusieurs animateurs dans les années 90. Il y a eu par exemple Koé qui avait fait un parallèle entre les camps d'Auschwitz et une maison de retraite. Donc ça lui a valu d'être viré, alors que bon, la direction y était un peu pour quelque chose en vrai. D'ailleurs, Arthur, il en a voulu pendant très longtemps, mais on va y revenir. Et puis bah, JC qu'on a entendu là des monstres, lui aussi a été viré après une mauvaise blague sur le fait qu'un flic a été tué. Donc ça, c'était dans les infos d'Annie Kremer. Il a déliré sur ça, etc. Et le CSA a réagi et pour la première fois, c'est la première fois qu'il y avait une sanction à l'encontre d'une radio, l'antenne de Skyrock a été coupée pendant 24 heures. Voilà. Ah oui. Donc ça a été comme punition. Bah, ça va oui et non, hein, parce que pour une station, être coupée pendant 24 heures, une station nationale, ça fait du mal. Ouais. Donc après, ils se sont un petit peu calmés et chacun a trouvé sa place. Alors Difool est parti sur Skyrock le soir. Et en face, sur Fun Radio, il y avait celui qui a commencé avec Jamie dans Love in Fun, après Love in Fun, pardon, dans une émission, qui a pris son envol. Après, c'est Max, le Star System, qui est pour moi l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur animateur radio des années 90 et 2000, avec une libre antenne. Donc le Max, le Star System, qui était plus axé sur la déconne et le second degré de que Difool. Voici un petit générique, enfin un long générique des années 2000. Max a alors déjà plus de 30 ans. La vie a filé comme une rivière entre ses doigts, sans même qu'il s'en rende compte. Assis dans son petit appartement de la Madeleine d'à peine 300 mètres carrés, il est là, seul, pensif, heureux, épanoui, j'ai même envie de dire plus, enivré par le bonheur d'être rentre de son émission comme chaque soir sur cette radio, dont il écrit l'histoire chaque jour un peu plus. Wow. Et se détend en jouant simplement nu, un peu de piano sur ce fabuleux Steinway, pleine queue. Il repense non sans un sourire mal dissimulé à ses fidèles acolytes. Tout d'abord, Laurent, dit Lolo, dit Monsieur Cadeau, surnom qui lui valut bien des jalousies au sein de Fun Radio. Il regarde ses toilettes et remarque soudainement qu'il ne sont pas sans lui rappeler l'appartement dans lequel vit Laurent, dit Lolo, dit Monsieur Cadeau. Il regarde le film X spécial Trave qui défile à toute allure sur sa dalle plasma, qui n'est pas sans lui rappeler Amélie, dit Amélo, dit le Travelo. Il se voit sur son île déserte, celle dont il fit l'acquisition pour la modique somme d'1 million d'euros cet été, et il pense à Manu, le Tahitien, à qui il a fait découvrir la capitale. Enfin, sa nudité complète face à son piano, fait pas sans lui rappeler Martin, qui jamais ne perd une occasion de montrer son petit zizi. Le moment est arrivé, il est en plein extase, il entame un de ses morceaux préférés, il remercie le ciel, la terre, le feu, l'eau, et se dit qu'il pourrait finalement être ce cinquième élément que l'humanité recherche. Dès 21h, le mégalo, pardon, Max est sur Fun Radio. Voilà, donc ça c'était les années 90 et début des années 2000 avec Max. Il est grave long le générique. Ouais, là, il est long celui-là. Mais je crois que c'était un générique de début de saison, c'est pour ça. C'était histoire de se remettre dans le bain. Vers la fin, j'ai cru entendre la voix du doubleur de Jim Carrey. Je sais pas si ça vous l'a fait, vous. Ah, qui était la voix de Fun Radio. C'est possible. J'étais pas sûr de Grimm. C'est possible que ça soit le même. Et donc, Max, contrairement à Maurice, chez Max, les auditeurs étaient des stars. Et en vrai, plus ils étaient neuneux, les auditeurs, plus ils étaient des stars, plus on aimait ça. Et c'était un peu les stars du Star System. Et ce qui était sympa, c'est qu'en fait, Max se foutait d'eux, mais avec beaucoup de second degré. Ce qui faisait que, en fait, eux, ça leur permettait de briller. Et nous, en tant qu'auditeurs, d'être morts de rire sous l'oreiller, en suivant par exemple les aventures. Alors, il y avait Alain de Brest qui était le meilleur ami de Michael Jackson, mais qui l'avait en fait jamais vu. Il y avait Jean-Pierre Sauzère qui essayait d'être chanteur et qui ne l'est encore pas. Il y avait Stéphane Lalcolo, il y avait Alain Lebeg, ou il y avait Gérard aussi, qui aura même droit après à une émission hebdomadaire. Rien qu'à lui, avec les fameux débats de Gérard, où tout le monde d'ailleurs s'en donnait à cœur joie pour l'appeler juste pour l'énerver et le pousser à bout. Bref, c'était du grand n'importe quoi, cette Radio Libre de Max, le Star System. Et puis quand on appelait, ça pouvait partir en impro parce que c'était de la vraie Radio Libre. Comme par exemple dans ce moment où Max commence par se foutre de la gueule de Sébastien qui l'appelle. Et puis ça continue par se foutre de la gueule de la personne dont il compose le numéro au hasard. On écoute. Alors Sébastien. Ouais, salut Super Max. Salut, t'as quel âge au fait? 16 ans. Et t'appelles de? De Thouars. Ah, de Thouars? Ouais. Ça se trouve où ça? Dans les Deux-Sèvres. Ça se trouve où les Deux-Sèvres? Dans le Poitou. Où ça, c'est où le Poitou? À côté de la Vienne. La Vienne? Ça se situe où ça? En Autriche? Non, c'est dans l'ouest. De l'ouest de? De la France, près de Niort. Niort? C'est où ça? C'est dans les Deux-Sèvres. Où ça? Il y a Poitiers. Poitiers, ça me dit rien du tout, ça se trouve où ça, Poitiers? Et il y a le Futuroscope. Ouais, c'est où ça, le Futuroscope? C'est à Poitiers. Et c'est quoi? C'est quoi ce truc-là? C'est le plus grand centre d'image, je crois, d'Europe. T'as pas une carte? Non, je suis un peu chagriné là. T'as pas une carte? Personne n'a une carte là, faut que je trouve là. Regarde, ma sacoche en cuir à 2000 balles. Eh, le Star System, il connaît pas ça? Bah non, écoute, ça me. Ton Futuroscope machin, je connais la géode. On va essayer de trouver là, parce que je comprends pas. Alors, moi, je pars de Paris, moi. Oui. Par où je vais? Dans le sud-ouest. Dans le sud. Ouest. Perpignan. Montpellier. Un peu plus haut. Plus bas? Non, vers l'ouest. Vers l'ouest, Foix, Carcassonne. Plus au nord. Là, je suis à Toulouse, là. Un peu plus au nord, mais plus. Ah, bon, alors faut que je remonte, alors, parce que ça va me coûter cher cette histoire. Bon, alors je fais le plein. Voilà, j'ai fait le plein. Alors maintenant, je suis à Besançon, je vais où? Biarritz. Non, c'est plus haut. Oui. Oula, c'est où ça? Saint-Malo. Non, c'est plus au sud. Oh non, là, moi je vais dormir à l'hôtel. Hein. Je suis crevé, moi je dors à l'hôtel. Ouais, quand même, bon, faut que je trouve un hôtel à Perpignan. Alors, moi je dors en Formule 1, machin. C'est gros Poitiers comme ville. Hein. Bah ouais, mais là je suis à Perpignan. T'as vu les kilomètres que tu me fais faire toi? Ouais. Oh non, attends. Mais là attends, alors Perpignan, alors je veux bien faire un effort, je fais un dernier plein. Hein. Tu montes? Non, attends, je fais le plein. Ah bon, bah fais le plein. C'est bon. Voilà. Alors on y va, on est parti. Alors, tu montes sur Limoges. Mais c'est où Limoges? Ah, si, on connaît Limoges. Ah si, Limoges est dans le centre, à côté de Moulins, quoi. Alors, t'as Limoges. T'as Limoges, tu vas plus vers l'ouest. D'accord, donc je suis à La Rochelle, Niort. Ouais. Voilà, Niort. Et juste un peu au-dessus, t'as Thouars. Mais c'est pas marqué parce que c'est une petite ville de 15 000 habitants, quoi. Chez Loudun. Je sais pas par où que c'est Loudun, quoi. Oui, je Bon, bah, on va se renseigner. On peut pas appeler quelqu'un, là? Attends, j'en ai marre, je suis dans le rouge. T'as vu que l'essence, hein, y a le voyant qui s'allume. Moi, si je tombe en panne, je ne pousse pas, hein. Bah, t'as qu'à prendre les bidons. Bah, je ferai du stop, ouais. C'est ton histoire qui est bidon. Non. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Alors, nous sommes à Loudun, madame, et nous souhaiterions nous rendre à Thouars. Comment devons-nous nous y rendre, s'il vous plaît? Vous êtes à Loudun et vous souhaitez vous rendre à Thouars? Oui, mais pas trop tard, hein. C'est la fête au village? Ah oui. D'accord. Comment je fais? Vous prenez la route? Parce que je suis dans le rouge, hein, sur le voyant. Ah oui? Plus d'essence. Ah oui, alors là, je sais pas comment vous allez faire. Dites-moi tout. Pour faire du stop? Ah non, mais comment, quelle est la direction à prendre? Ah ben, faut prendre la direction de Thouars-Saumur. Oui. Parce qu'on est avec Sébastien, là, hein. Je suis pas tout seul, hein. Ah bon? Je suis avec Sébastien, et on va appeler Mickaël, qui est cocu. Bah c'est bien, plus on est de fou, plus on rit. Ah bah, lui, il va pas trop rigoler quand il va apprendre qu'il est cocu. Ah, je crois pas, non. Oh, ça fait rien, on a l'habitude maintenant. Vous avez l'habitude, vous? Oui. Vous êtes cocu? Ah, c'est possible. C'est possible? Ça me dérange pas. Eh bien, figurez-vous que votre mari est là, à côté de nous. C'est une idée, un beau mari? Il est là, à côté de nous, c'était une blague. Ah oui? C'était pour Europe 3. Ah oui? C'était pour un canular, c'était une supercherie, c'était la caméra cachée de la radio. Ah ben non. Alors, nous avons un complice, qui est-il? J'ai du mal à vous entendre en plus. Vous êtes sourde en plus. Voilà pour l'ambiance, la caméra cachée de la radio, c'est exceptionnel. Alors bien sûr, il y a les jeux de la radio libre avec l'idée, globalement, c'est souvent de piéger. Alors ça peut être un hôtel avec le jeu des trois mots, ça peut être de faire croire à un proche qui va gagner un super cadeau, mais finalement, on l'entend plus à l'antenne, alors qu'en fait, nous, on entend la personne s'énerver en direct. Ça, c'est Jackie des croissants chauds. Et puis, il y a le plus mythique, certainement, c'est genre appeler sa grand-mère pour la faire jouer à un faux jeu. Genre une fausse radio avec des fausses questions qui n'ont aucun sens. Et ça, ça s'appelle le Kiki Donc exemple. Teddy, tu fais la grand-mère? Ah oui, je fais la grand-mère. Vas-y, mets-nous la musique là. Oui. Oui, allô? Bonjour, vous allez bien? Oui, et vous, qui êtes à l'appareil? Vous êtes sur la radio FM, sur la radio Fréquence Mégane, bien entendu, c'est votre petit-fils, Jean-Charles, qui nous a appelé. Oh, Jean-Charles, comment vas-tu? Jean-Charles, il va bien, il vous entend, bien sûr, hors antenne. Vous êtes une fidèle de l'émission, nous attendez, vous nous écoutez régulièrement quand même? Oh, oui, oui. Vous nous écoutez plutôt le matin, l'après-midi, le soir, c'est vous qui voyez ce... Oh, oui, oui. Bah oui, bien évidemment, les fidèles de l'émission, on applaudit les fidèles quand même, hein. Alors, bien entendu, oh, mais c'est très gentil, mon petit. Au jeu du Kiki, donc, pour gagner un maximum de cadeaux, vous avez envie... Il y a une destination qui vous ferait plaisir, Germaine? Le Nord-Pas-de-Calais. Ah bah, ça tombe bien, puisqu'on se verra un peu le sud, bien entendu, si vous gagnez. Pour cela, il va vous falloir être muni d'un dictionnaire. Est-ce que vous êtes muni d'un dictionnaire, Germaine? Oui. Ah bah, ça, je vous annonce que vous n'en aurez pas besoin, bien entendu. Ah. Une série de trois questions subsidiaires en extra plat qui va vous permettre de vous abonner à Télé Loisirs. Vous êtes abonné, déjà, vous êtes fidèle, on rappelle, vous êtes une fidèle de l'émission. Oui. Star System sur Fun Radio, c'est ça. Bah oui, parce que là, normalement, si vous connaissez bien la règle du jeu du Kiki Donc, il fallait nous dire, à un moment donné, je vous disais à tous sur le top, vous deviez me dire, mais attendez, j'ai pas entendu la question. Ben la oui. question n'a pas été posée. Oui, mais on n'aurait pas entendu vous le dire. Si vous l'auriez dit, bien entendu, vous aurez accédé directement à la quatrième question. Vous ne repartez pas donc avec ce voyage, bien entendu, pour l'Écosse, mais vous reviendrez, bien sûr, en possibilité d'un voyage pour deux personnes en aller-retour, bien entendu, aller simple aller-retour qui vous ferait plaisir. Oui. Très bien. Dans ces cas-là, vous nous envoyez une petite coordinateur carte postale dans les 24 heures. Ok. À l'adresse que je vais vous donner et qui s'inscrit ci-dessous. Je vois pas. D'accord. La trêve de blabla et de plaisanterie comme le bonne humeur. Vous nous écoutez régulièrement, vous êtes de bonne humeur. Oui. Max, ce soir, 22h sur Fun Radio. Voilà l'ambiance. Bref, c'est Max qui m'a donné envie de faire de la radio. Et ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai tout à l'heure. Parce qu'avant, on a les années 2000 et 2010. Et on a également Annie qui est avec nous ce soir. Salut Annie. Salut. Comment vas-tu? Moi? Ben, je vais très très bien, et toi, ça a l'air d'aller? Bah, impeccable, on est en pleine forme, et je suis ravi de célébrer les 100 ans de la radio et les 40 ans de la libération de la bande FM avec vous tous ce soir, et on va recueillir ton témoignage, Annie, puisque tu as fait de la radio, tu fais de la radio? Non, j'en ai fait. T'en as fait, j'ai ouais. arrêté depuis, alors j'en fais ce soir, évidemment, je me replonge dans la radio, mais dans les je abysses. N'avais jamais expérimenté la radio par internet. D'accord, très bien. Et forcément, t'as vécu des bons moments radio et t'auras des anecdotes à nous raconter. Donc, pas forcément des anecdotes, mais des belles rencontres. Des belles rencontres. Eh ben, on va en. Ce que je te propose, c'est que on écoute un disque. On parlait de Max à l'instant, donc on va écouter une impro entre Max et puis Manu, dont on a parlé juste avant, où ça arrivait régulièrement. Et là, en plus, ils étaient sur la même radio, d'avoir Manu qui venait chez Max. Et lors de cette soirée-là, forcément, deux rois, deux mastodontes de l'improvisation. À un moment donné, il y a une auditrice qui appelle. Ils avaient rien préparé. C'était la radio libre. Une auditrice appelle, elle disait: ah ouais, ça serait cool, vous fassiez une chanson, etc. Bah, il faut pas les prendre au mot. Ok, on fait une chanson, on improvise, guitare de Manu, et c'est parti, duo. Ça s'appelle Elle est partie, parce que c'est le titre qu'on lui a donné. Et sur Indestar, dans un instant, on continue cette émission spéciale 100 ans de la radio avec le témoignage d'Annie. D'accord. Elle est partie ce matin sans laisser la clé chez moi. Ce matin sans laisser la clé de chez moi. Je sais que je la reverrai plus. Je sais que maintenant elle est partie. J'ai beau aller dans si elle est partie. Elle n'a pas laissé l'adresse. Non, c'est normal pour un chien. Elle m'a quitté tout ce matin, partie sans sa laisse. Alors elle me laisse trop seul. J'ai beau courir dans la forêt, j'aurais même beau aboyer, je sens que maintenant c'est terminé. Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Oh oui, bien partie. Je lance un appel à tous les animaux de la forêt. Ah, SOS. Les sangliers, les butoirs, la gondin et petit nain. En parlant de butoir, oh toi, je ne veux plus te voir. Elle est partie, il faut me laisser. Dans le désespoir, il faut me laisser. Elle est partie. Elle est partie. Oh oui, définitivement partie. Partie loin. Je n'en sais rien. Si vous venez d'arriver, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Et ben c'est Daniel. C'était une musique qui est passée une fois. D'habitude c'est Teddy, mais pour une fois c'est Daniel. Mais ouais, et des musiques extrêmement peu diffusées, hein, puisque cette musique a été diffusée en live à l'époque dans les années 90. Donc, une fois. Et là, sur Fun Radio, oui, à l'époque, et sur Indestar, deux fois, ce soir pour ses 100 ans de la radio et ses 40 ans de libération de donc, la FM. Vous venez d'assister à une musique deuxième main. Ouais, c'est ça, c'est une deuxième main. Bon, un peu kilométré quand même, mais toujours aussi bon. Voilà ce qu'on peut dire. Bon, en tout cas, ce soir, on est là pour célébrer cet anniversaire. Et c'est la première fois que ça se fait en radio. Bon, vous allez me dire, c'est la première fois que ça fait 100 ans. Mais c'est la première fois que des radios se réunissent pour faire un événement aussi, comme ça. Ça fait 100 ans d'ailleurs. Peut-être que la radio. Ah oui, bah alors oui, ça sera 100 ans plus 100 ans peut-être dans 100 ans. Soit les 200 ans. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir Annie, donc oui. Qui a fait de la radio. Et donc Annie va forcément, t'as vécu des trucs parce que à chaque fois qu'on a fait de la radio, on a vécu des trucs énormes. C'est ouais. Non, c'est fou. Forcément, le direct veut ça. Toi, t'as rencontré plein de personnes, j'imagine. T'as vécu des moments. Quelques personnes, oui. Ouais, ouais. Tout à fait. Alors, quels sont les moments marquants de ta vie radiophonique? Oh là là, ça serait trop long. L'émission serait pas assez longue. Alors, ça nous changerait pas de d'habitude. Allez, tu mets tout en ordre local, tu te tires au sort. J'ai eu la chance de rencontrer Gilles Servat. C'est à la radio que j'ai connu Gilles Servat. Donc, quand on est peut-être en Touraine d'ailleurs. C'est qui Gilles Servat? Gilles Servat, c'est un chanteur breton. Ah, en Touraine. Qui chante la Blanche Hermine qui avait été reprise. Comme hymne par le Front National. Ah, super. Il est très de gauche, Gilles Servat, en plus. Donc, il n'a pas apprécié. Il avait fait remarquer que la Blanche Hermine était bien blanche, ouais. Mais qu'elle avait bout des queues noires. Voilà. Ouais. Du coup, ils l'ont repeint pour la chanson. De pas, voilà, exactement. Non, j'ai rencontré également Anne van der Love. Alors, c'est des anciens, hein, Anne van der Love, qui nous a quittés l'an dernier au mois de juin. Mm-hmm. J'ai rencontré Jesse Garonne. D'accord. Ouais, et puis alors au niveau sportif, ben, j'ai rencontré Poulidor, Christian Prodhomme, quelques footballeurs champions du monde, enfin un footballeur champion du monde. Zinedine Zidane. Stéphane Guivarche. Ok. C'était pas dans l'équipe de Zinedine Zidane. Qui vend des piscines hein, actuellement. Ah donc, oui, c'est vrai, j'avais entendu parler de cette histoire. Ouais. Ouais, c'est recyclage. La deuxième vie des footballeurs. Ouais, ouais. Et quel est. Oui, pardon, Daniel. Non, rien, vas-y. Non, je dis, quelle est ta plus belle rencontre? Pas forcément quelqu'un de connu, mais quelqu'un voilà, où t'as vraiment apprécié l'interviewer, ou tu t'y attendais pas et tu t'es dit, waouh, c'était vachement chouette. Bah, c'est Gilles Servat. D'accord. Justement. C'est un gars qui défend la Bretagne, qui est pas né en Bretagne, mais bon, il défend la Bretagne, il parle breton, il pense breton, et c'est un artiste. Il mange breton, il boit breton. Il mange breton. Ouais. Faut faire gaffe avec manger breton, parce qu'il y a trop de cognac à la Bretagne. On sent qu'il y a un bout de la Bretagne dans Indestar, là, tu vois. Et oui, parce que ce qu'on n'a pas précisé, on l'a dit en antenne, mais Annie, tu es bretonne. Tu vis en Bretagne? Je suis pas bretonne, moi je suis tout. Attention, je suis pas bretonne, moi je suis tout Angèle. Ah, t'es tout Angèle, mais tu vis en Bretagne. On mélange pas les torchons et les serviettes. C'est le top. Je suis né à Tours, j'ai vécu à Vouvray. D'accord, donc oui, ça c'est région Centre-Val de Loire, c'est près de chez nous. Il y a du vin à Vouvray. Ah, c'est vrai, et quand je parle de Vouvray, quand je dis je viens de Vouvray ici, on me dit ah, il y a du vin. Bah oui. C'est comme ça qu'on connaît Vouvray. Moi j'ai essayé de faire. Ça fait plus de 25 ans que j'habite en Bretagne et comme diraient certains, je suis plus bretonne que les bretons pur beurre, comme on dit. Ah, pur beurre, pourtant, il y en a du beurre. Ouais, mais il faut être salé pour être pur beurre. Parce qu'on mange beaucoup de beurre en Bretagne. Ouais, bah oui. Est-ce que le dicton breton de plus que sur les cons est vrai? Oh, c'est vrai, oui. Moi, je suis jamais mouillé, j'ai pas tiré, hein, donc. Voilà, mais c'est ça le truc, c'est qu'il y a un impair. Voilà. Un impair et des bottes, et t'es tranquille en Bretagne. Et Daniel, il me semble que tu viens souvent en Bretagne. Oui, non, mais je voulais que tu le dises à l'antenne parce que voilà, ça fait quand même plaisir. Non, pour une fois qu'on a quelqu'un du cru, quand même. Bah oui, si d'ailleurs, en parlant de témoignage. Il ne pleut que sur les cons, je n'ai qu'aperçu Kersauzon. Ah! Sur le quai, un des quais de la Trinité, du port de la Trinité sur mer. Mais je ne l'ai qu'à aperçu parce que il nous a regardé méchamment, l'air de dire, venez pas nous. Ah ouais, ah oui, il voulait pas être dérangé. Ouais. Mais c'est qui? Il avait pas envie d'être dérangé. Ouais, si je suis en Bretagne, c'est pas pour être emmerdé. Et un souvenir de radio en direct, est-ce qu'il s'est passé, parce qu'on en parlait en début d'émission. Est-ce que tes serveurs ont cramé? Non, mais ouais, des couacs qui ont fait que ça. Non. C'était en bon état. Non. Ah, mais nous, ça l'a fait. On n'utilisait pas l'informatique à l'époque. Les serveurs, on connaissait pas. Ouais. Mais on n'était pas informatisés. On était encore avec les manettes, les potards sur les consoles. Hein. Ah bah, il y a encore des potards sur les consoles. Ça, c'est resté. Comment ça? On est comme à l'époque. Là, les consoles sont numériques maintenant, mais il y a encore les potards dessus. Vous avez du vieux matériel en plus, les gars. Bah ouais. Non, mais à l'époque, il y avait. Alors, certes, il y avait pas ces problèmes-là, mais il y en avait d'autres. Des fils qui pouvaient se dessouder, des choses comme ça. Ça c'était déjà arrivé, ouais, toi, Ali? Non, j'ai eu de la chance. J'ai toujours eu. J'ai jamais eu d'incident technique. Ah bah ouais, t'as eu de la chance. Ouais. Pourquoi t'as invité alors si t'as pas d'incident technique à nous raconter? C'est pas mal. Ben non, j'ai pas d'incident technique à raconter. La radio était en très très bon état. C'était le début, donc le matériel était tout neuf. On avait du super matériel et on avait un super employé, on va dire. Voilà. Comment ça vous clash, les gars? C'est un peu trop ça. Non, on n'a pas d'employé. Non, on a un problème par semaine. Tout ils à fait normal. Ils vont pas nous inviter, à mon avis. Je vais pas être invité, là. De sitôt. Non, mais nous, on a des beaux studios. On a du beau matériel. Quoi. Ah ouais. Et puis, on a des studios modernes. Et on a un four. On a un frigo, non, à bière. Oui, alors c'est vrai aussi. Je pense pas que ça fasse partie des priorités d'une radio. Non, mais c'est pas faux. Bon, là quand même. On a le mini four, on a le micro, on a le frigo, on a même trois machines à café, on est au top. Ah bah ouais, on a total. On a un canapé. J'avais qu'une cafetière et encore elle marchait pas toujours. Par contre, on a pas de toilette. On préfère les machines à café aux toilettes, c'est fou. Non, mais on est écolo, nous on fait dehors. C'est pour ça. C'est pour ça. Non, j'ai fait des lapsus à l'antenne comme beaucoup de personnes. Oui, ouais, bah oui, c'est. Au lieu d'annoncer le vol du bourdon de je sais même plus le le musicien, j'ai annoncé le vol du Bordeaux. Ah. Ça bon, vole il, moins était 11, il était 11h30, donc c'était normal, c'était l'heure de l'apéro. Ouais, ça vole bien. Une excuse de l'apéro. Mais tu sais, sur les bateaux, pour les baptiser, ils lancent une bouteille. Ouais. Tu vois, c'est ça le vol du Bordeaux. Et hop là, une bouteille de Bordeaux dans le bateau. Allez. Bah, finalement, c'est logique en Bretagne avec tous les Bordeaux. Les bateaux, pas les Bordeaux. Juste ouais. Pour info, c'est pas un baptême, c'est une bénédiction du bateau. Ah! Ma foi, bénédiction. Ah. Bah, plus j'ai moi aussi, je il l'avait pas fait pour. Je te bénis, mon fils. Bois une gorgée. Voilà. Il excellent. Fait... Non mais tu sais que pour le Titanic, il l'avait fait avec du très mauvais vent. Hein, tellement mauvais que il a coulé. Bah, c'est pour ça. Le bateau s'en est pas remis, oui. Et tu animais quelle émission? C'était quel type d'émission que t'animais, Annie, à l'époque? Alors moi, j'ai commencé en animant une émission sur les sports. Troisième mi-temps le lundi matin, on débriefait l'actualité sportive. Oh, j'avais une émission du même nom national. Ouais. Et après, on a pris la tranche du samedi matin avec le collègue sportif. Mmh. Et on présentait transversal, c'est-à-dire qu'on faisait découvrir les communes du pays doré, les communes les unes après les autres. On invitait les associations, les présidents d'associations, les élus et les personnalités. Ouais, c'était pas sur place. C'était pas sur place en fait. C'est, tu faisais venir non, en studio pas place, les avait, acteurs. On n'avait pas les moyens d'acheter un studio mobile. Donc, Non, mais c'est on sûr. On était dans le studio. Ouais. Ah, il y avait déjà les maires qui se déplaçaient. Hein, bah ouais. Ouais, c'est déjà en pas calèche. Mal. Oui, mais ouais. Ils aimaient bien venir parler de leur commune en général. Ouais. Bah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'était une radio qui était beaucoup écoutée dans la zone où tu habitais. Ouais, qui était bien écoutée dans la zone, qui est encore d'ailleurs écoutée, même si elle ne fonctionne que que de la musique actuellement. Ouais, mais la radio existe encore. Elle a été reprise par quelqu'un qui l'a fait couler, qui a dépensé tous les sous qu'on avait laissés en caisse. Et... D'accord. Ouais. Malheureusement. Bah oui, malheureusement. Qui a coulé la radio. Donc j'ai revu mon collègue des sports il n'y a pas très longtemps puisque je suis correspondante locale pour le Télégramme. Et je sévis dans les sports encore, donc je rencontre les sportifs. Quelle jolie formulation. Je sévis dans les sports, c'est classe. Et ça, c'était... Donc, je continue à travailler au niveau des sports, donc... Ouais, tu nous parles... Je l'ai croisé et il m'a demandé quand est-ce qu'on reprenait la radio. Je lui ai dit pour l'instant, non. Ouais, bah déjà, faut que ça donne envie, ouais. Ouais. Et ça, c'était en quelle année, Annie, que tu faisais de la radio? Comment? Je dis c'était en quelle année? Tu me parles de quelle période là? Alors j'ai fait de la radio la décennie 2000, 2010, 2012 à peu près. D'accord, ouais. Oui, donc c'est pas si vieux que ça quoi, finalement. Non, c'est pas vieux, non, je suis vieille, c'était mais c'était il y a 10 ans. Hein. Si non, c'était il y a 10 ans. C'est, non, mais Daniel a commencé par nous parler de 1907, alors du coup, on sait plus. Ouais, bon anniversaire. Bonne année 1918, oui, c'est ça. Bah, c'est ça. Si on peut dire bon anniversaire à la radio aussi. Bonne année 1918. Oui. Dis-moi Annie, je suis en train de penser à une chose, c'est vrai que tu parlais de rencontrer des gens pas dans le cadre de la radio. Oui. Je sais que tu as rencontré des gens comme Alain Bourgnon, Patrice Loco, mais c'était pas dans le cadre de la radio ça. Non, c'était à l'extérieur, c'était en dehors de la radio. Il faut toujours avoir un petit enregistreur. Maintenant la radio m'a permis aussi de rencontrer derrière d'autres personnes parce que comme je travaille pour le Télégramme maintenant, c'est grâce à la radio que je travaille pour le Télégramme. D'accord. Parce que j'avais été réclamer un article pour justement notre nouvelle grille hein, et la personne m'a dit je cherche quelqu'un pour telle commune et telle commune et je dis tiens moi je veux bien essayer et depuis 2008 je suis correspondante locale donc Puis c'est vrai que ce... Donc j'avais déjà rencontré Patrice Loco, mais j'ai rencontré depuis, comment il s'appelle, Guéric Kervadec, le champion du monde de hand, et j'ai rencontré d'autres, quelques autres personnes comme ça. Mais c'est vrai que ce monde des médias, que ça soit de la radio, de la presse, etc., est quand même un monde relativement petit. On dit la radio est une grande famille. Bon, alors on a vu tout à l'heure, c'était pas forcément vrai. Enfin, grande famille qui se déteste. Oui. Mais oui, totalement. Dans une famille, il y a des gens qui s'aiment pas. Non, mais c'est un peu ça. C'est je t'aime moi non plus, en effet. Hein. C'est ça. Et c'est vrai que c'est un petit milieu, tout le monde se connaît plus ou moins dans la radio et le monde des médias en général. Ça permet de faire des sauts comme ça. Teddy et Théo se connaissent très bien, il n'y a pas de problème. Ah bah ouais. Oui, alors sauf que Teddy, je l'ai ramassé, il était sur le trottoir. Il était boulanger. C'est lui qui m'a nourri, regardez. Oui, c'est moi qui nourris, mais c'est moi. Parce que quand on est animateur radio, on est pauvre, donc c'est lui qui m'a nourri. Pourquoi ? Parce qu'il a vu une baguette et t'avais faim ? Bah oui, exactement. Ouais. En plus, il m'a appâté avec un petit pain au chocolat. Donc, ouais, et pas une chocolatine. Et non, pas une chocolatine. Donc, pas ici, c'est des pains au chocolat. Ah, là, on va bien s'entendre. Tu vois, en Bretagne aussi, c'est des pains au chocolat. Chocolatine, ça veut rien dire, chocolatine. Bon, c'est ça. Ah, j'aime ce. Je t'adore. Hein. Défendez la chocolatine. Là, Nid, il vient de te faire un copain. Hein. C'est vrai. Ah ouais. Oh, on va pas dire qu'on s'amuse à le dire à chaque invité, mais c'est pas loin. Un copain et un ennemi peut-être en même temps. Et c'est pas faux. Non, en tout cas, avec le pain au chocolat, c'est bon. Ouais. Ouais. Ah non, on dit pain au chocolat. Bon, on dit pain au chocolat. On dit pain au chocolat. C'est dans le sud qu'ils disent chocolatine. Ouais, il y a certaines. Dans le régions. Sud et à Paris. Non, pas à Paris, non. Tiens, non, pas à Paris. Pas à Paris, c'est pain au chocolat à Paris. Ça dépend des quartiers. Ah, oui, tous ceux qui viennent de Paris, ils me disent chocolatine. Non, bah trop. Ils disent, pas. Ah, c'est comme à Paris. Je te gueule. Bon, bah. Non, il y a eu autre chose. Il y a eu autre chose de plus fun aussi qu'on m'a sorti aujourd'hui. La nourrice de mon gosse, elle a ramené quelque chose dans un sac. Oui. Elle m'a dit, c'est un pain au chocolat aux noisettes. Je la regarde, je vois, c'est du pain. Ah. C'est du pain aux noisettes, en fait. Bah, c'est du pain avec du chocolat et aux noisettes. Ah, et du coup, oui. J'ai dit, mais c'est pas un pain au chocolat. C'est pas au chocolat, parce que c'est pas fait pareil. Ouais. J'ai dit, trouve un autre nom, merde. C'est pas un pain au chocolat. Je vois l'idée. Mais c'était fun. En tout cas, merci beaucoup, Annie, d'être passée avec nous ce soir, et puis de ces petites anecdotes. Bah, y a pas de quoi. Des années 2000. C'était un plaisir. Bah, plaisir partagé. Ouais, parce que pain au chocolat. Non, mais... Si t'as l'occasion, okay, n'hésite pas. Crayon de papier ou crayon gris? Ah, j'avoue que ça. Crayon de bois. En région parisienne. Crayon de bois, oui, il y a le troisième aussi. Ouais, ouais. Moi, j'ai grandi avec le nom crayon de papier. Et quand je suis arrivé en Touraine, je me rappelle, le premier jour, le maître a dit que prenez votre crayon de bois. Et moi, j'étais là, j'étais paniqué. Je dis, qu'est-ce que j'ai pas ça, moi? J'ai pas ça dans ma trousse. Et je regarde les autres. Ah, moi, crayon c'est quand de papier. Je suis arrivé en Bretagne qu'on nous a dit de prendre le crayon gris. Wow. Ah, le crayon gris, ah ouais, non, ça je connaissais pas. Et s'il est vert, tu vois, t'es dans la merde. Ah, c'est dommage. C'est pas de bol. C'est pas de bol, exactement. Et moi aussi j'utilisais un crayon de papier ou un crayon de bois avant. Ouais, ouais, bah ouais. Mais maintenant j'utilise un crayon gris. Ok. Et voilà. Allez à Toulouse, c'est le crayon rose. Bravo, bravo. Merci beaucoup, Annie, d'avoir été avec nous ce soir. Émission spéciale. 100 ans de la radio qui continue. Oui. Alors on a fait les années on a fait les années 1900, on est monté jusque dans les années 90. Évidemment, la suite logique, c'est que dans un instant on aborde les années 2000 et les années 2010. Et juste avant, on a une musique made in Indestar, Actus Solit, avec du Teddy, avec du Jonan à l'intérieur, surtout du Amélie Anaïs, avec du Amélie Anaïs, avec du Théo. On a mélangé, on a voulu faire un bootleg, parce que vous savez, on passe régulièrement des bootlegs, l'association entre deux chansons. Et là, on a mélangé la plus grande escroquerie de l'histoire de la musique, qui était Milli Vanilli à l'époque, dans les années 90, 80 même, et My Baker, non, oui, donc ça c'était la reprise de My Baker, et Benebi, qui était un des premiers rappeurs français dans les années 80. On écoute ce que ça donne. On vous promet pas que ça va être beau, mais ce qui est sûr, c'est que c'est sur Indestar dans cette émission 100 ans de radio. Bienvenue dans le monde merveilleux des fous. Yeah, yeah, c'est Actus Solit. Oh oui, mais qui nous accompagne? Qui nous accompagne? B-E-2-N-Y-I. Mon nom à moi c'est BNB, ouais tu l'as deviné. Comme toi je veux la justice, essaye de défendre mes droits. Partout où tu vois la foule, c'est qu'on parle de moi. Je descends des quartiers, soi-disant mal fréquentés, où la PJ y passe les trois quarts de la journée. Mais j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de cette vie-là. Et pour sortir de cette impasse, je ferai n'importe quoi. Mais vous êtes fous, oh oui, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous, oh oui, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous, oh oui. Des savons, plein de petits savons, plein sur la table, des roses, des jaunes, de toutes les couleurs. Et elle avait un couteau dans les mains, je comprenais pas ce qu'elle faisait. Et bah devinez quoi, elle était en train de découper. Merde, quand je vois dans la rue tous ces ces jeunes qu'hier, qui restent là à ne rien foutre, moi je crie colère. Car tous ces farceurs ne savent pas qu'il leur reste encore une chance. Sinon, n'ont rien à cirer, pour ça n'a plus d'importance. Mais je suis pas comme eux, je veux me défoncer. Je ferai tout ce que je peux pour que ça puisse marcher. Montrer à tous ces bailleurs que le monde est beau. Qu'une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort. Mais vous êtes fous, oh oui, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous, oh oui, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous, oh oui, mais vous êtes fous. Mais vous êtes folle, oh non, mais je suis pas folle. Mais moi je suis pas folle. Oh, faut que je vous raconte, il m'est arrivé un truc de ouf. J'ai vu la mère Baudin cet après-midi. Elle était là avec son Solex, je comprenais pas, il y a un peu, j'ai perdu mon chien. J'ai fait vas-y, j'ai un TD, hop, on monte les deux sur le Solex. On a pris un chemin et j'avais oublié de dire qu'il y avait un trou, donc c'est toutes les deux casser la gueule, casser la gueule. Je fais partie des vibrants et c'est ainsi qu'on redoute. À la radio, à la télé, si jamais tu nous écoutes, je veux que tu penses à nous et que tu dises une fois pour toutes aux gens qui nous aiment pas qu'on poursuivra notre route. Oui, c'est du rap français, plus fort que jamais, apportant avec lui le fond de tous ses secrets. Mais nous, les b-boys, on peut s'empêcher d'écouter si tu comprends pas et c'est que t'es pas branché. Mais vous êtes fous, oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes folle. Oh non. Mais je suis pas folle. Mais moi je suis pas folle. Mais je suis pas folle. Mais je suis pas folle. Je suis pas folle. Il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable quand même. Je suis allé chercher mon pain avec ma combinaison blanche que j'avais eue à mon anniversaire. Et d'un coup... L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Indestar, l'émission à la maison, émission spéciale. Plus on est fou, plus on rit. Effectivement. Donc ouais, un petit bootleg, hein, Made in Indestar ce soir, et on se fait plaisir. Je sais pas si on vous fait plaisir, mais on se fait plaisir jusqu'à 23h grand minimum. Mais oui, 22h56, tu vas me dire, c'est déjà dépassé. Surtout qu'en plus là, on va aborder les années 2000, les années 2010. Donc on a encore deux décennies à parler avant d'arriver au moment présent. Et au début des années 2000, on va retrouver sur Fun Radio notre bon roi Arthur avec Manu et avec la princesse Jade pour un after school, donc une émission entre 16h et 18h hein, quand tu sors de l'école, avec une idée qui a été héritée, on va dire, du morning d'Europe 2 qui animait Arthur un petit peu de temps avant, de faire des sketchs en radio. Sauf que la différence, c'est que dans les années 90, les sketchs, c'était dit comme tel. On avait, par exemple, Gad Elmaleh qui a commencé sur Europe 2, il y avait les 2 minutes du peuple, il y avait tout ça. Ah bon ? Oui. Genre ? Je te le dis. Les 2 minutes du peuple, vraiment. Les 2 minutes du peuple sur Europe 2, oui, bien sûr, ouais. Le matin. Je savais pas. Et là, les comédiens, les jeux, oui, les auditeurs bidons vont se confondre dans une même émission. Donc, c'est le début, en fait, finalement, du fake à la radio. Mais ça donnait lieu à des bastons à la maison magistrales. Je crois encore que j'ai une compile de l'époque, de cette époque-là. Je crois que t'avais encore des bleus. Des bleus, non. Non, une ça va. Compile de bleus. Compile de bleus. Des boss, je sais pas. En tous les cas, Planète Arthur, ça a bien marqué les esprits. Et à la base, Arthur avait signé sur Fun Radio jusqu'en 2005. Sauf qu'en 2004, Fun Radio décide d'embaucher Koé au morning. Et là, si vous vous souvenez, si vous avez entendu tout à l'heure, je vous ai dit que Arthur était grave vénère contre Koé depuis qu'il avait fait une mauvaise blague sur les juifs à l'antenne. Donc ça passait pas du tout entre les deux. Ce qui fait que Arthur était vachement mécontent et a décidé de partir. Sauf que Fun Radio voulait pas qu'il parte. Donc là, ça a été un clash et ça a été le plus gros clash des années 2000 à la radio. C'est qu'il y avait vraiment la bagarre entre un animateur, donc Arthur, et sa direction, la direction de Fun Radio, avec des auditeurs qui étaient pris à partie. Donc ça a duré pendant 3 jours où en fait, en direct, avant que Fun Radio cède, hein, Arthur faisait des émissions donc sur Fun Radio parce qu'il était obligé de les faire, il était sous contrat, mais ne voulait pas les faire. Et s'en donner à cœur joie pour faire des choses contre sa direction. On écoute un premier extrait. Les maîtres du royaume Fun Radio décident, au terme d'un conseil exceptionnel, de s'adjoindre le soutien du roi incontesté de la radio, Arthur. Sa mission, relever l'audience de la station, aidé en cela de ses fidèles compagnons de voyage. Ce défi, il le relèvera. Pour Fun Radio, pour Dieu, pour la République, pour l'esprit olympique. 2004, suite à une incroyable trahison de la part des maîtres du royaume, le roi se met alors à rêver à de nouvelles aventures. Le souverain du royaume, ce gourgandin au grand pied poilu, ne l'entend pas de cette oreille et décide de lui mettre dans le cul. Il tente alors l'impensable. Ça me fait rire quand ça va dans le cul, j'avais. Aidé de 10 garnisons de soldats pouilleux, il envahit le château du roi de la radio. Et après un combat acharné de plus de 24 heures, il réussit à le maîtriser, lui et son bouffon de voyage, un dénommé Manu. C'est lui, là. Le souverain de Fun Radio séquestre alors notre bon et brave roi dans les douves les plus basses du château, l'enchaînant d'un boulet au pied. Ça fera deux boulets avec Manu. Jusqu'au 30 septembre, notre bon roi se retrouve donc seul, emprisonné, en bagnard perdu, obligé de rester là. Et là-haut, dans sa tour de garde, le souverain de Fun Radio se gausse et jubile. Qui pour sauver Arthur ? Superman ? Non. Spider-Man ? Non. Batman ? Non. Jean-Jacques Goldman ? Non. Bertelsmann ? Hélas, non. Robin des Bois ? N'y comptez plus. C'est vous, vous seul, auditeur du roi de la radio, qui pourrez le sauver. Car vous seul pouvez libérer Arthur. Gloire au roi de la radio ! Arthur, libre ! Ouais, voilà, donc c'était assez explicite, je pense. Ouais. On a compris le message et. C'est pas très subtil. Il en prend pour son grade, hein, le patron de Fun Radio à l'époque. Ouais. Et ils vont pas gêner non plus de lui lancer des piques en direct, bien entendu, tout au long de cette émission, en l'appelant le méchant gourgandin poilu, ce qui était pas vraiment un compliment. Et ils sont même allés plus loin en demandant à plein d'animateurs de radio en France, donc des radios concurrentes, d'intervenir pour. On va pas se le cacher, pour salir un petit peu l'image de Fun Radio. Les plus grands animateurs des plus grandes radios du monde, la libération d'Arthur. M-A-U-R-A-D, 20h minuit, sur Europe 2. Ouais, c'est Morad, le soir sur Europe 2. Arthur, alors comme tu m'as soutenu quand j'ai eu des galères, et pour que tu tiennes, ma mère t'a fait du tagine, des mharrush. Les mharrush, c'est des grands gâteaux rebeux, des supra grands gâteaux rebeux, et à l'intérieur, elle t'a mis une pelle pour que tu puisses t'évader. Et là, je m'adresse à la direction de la radio où tu es, Arthur, libérez-le ce mec-là. On vous l'échange contre Laurent Romesco et Zouméo. Oui, bonjour, ici Bruno Robles de RFM, la radio FM. Libérez Arthur pour un futur plus sûr. Salut, c'est Nina d'Alouette. Libérez Arthur, qui rentre faire la vaisselle maintenant. Oui, c'est les gens du Move, la radio à l'Est Rock. Je ne suis pas d'accord, il faut libérer Arthur, c'est important. Salut, c'est Bob, vous savez, le mec qui vous réveille le matin sur Fun entre 6h et 9h. Bon, moi, ils m'ont libéré il y a quelques temps. Ce serait bien que vous libériez Arthur, là. Hein. Bon, mais sans déconner, c'est de partir. Oui, salut, c'est Alexandre Delperrier d'RMC. Soyez sérieux, les amis. Libérez Arthur. C'est Bruno Emanos du site Bruno Énergie. Bon, on a posé dans toute la France avec Madonna. On est prêt à faire la même chose avec Arthur pour sa libération. Libérer Arthur. La liberté a besoin d'un soldat. Face à un mur de sa prison, le roi Arthur et son bouffon rêve de liberté. Venez le libérer. Le faire. Voilà, le message est clair. Ça fait, ouais, quand même. C'était c'est explicite comme démission. Hein. C'était très explicite. Ouais. C'est pour et ça. C'était quoi le message codé, libérer Arthur ? J'ai rien compris. Ah, on n'a pas compris. Bon, ce qui fait regarde que. Regarde la Reine des Neiges. Au bout de trois jours. Ah, bah si c'est. Ah, d'accord, si c'était la Reine des Neiges, je le comprends mieux. C'est pareil. Bon, finalement, Arthur a pu partir et retrouver d'ailleurs la même case horaire un mois plus tard sur Europe 2. Donc voilà, pour. Tranquilliser. À une époque où finalement. On se rapproche de notre époque actuelle sur enfin la période des années 2000 parce que vous allez entendre dans l'extrait suivant que... C'est sûr que par rapport à 1907 on se rapproche ouais, hein. Déjà effectivement par rapport à 1907 mais vous allez entendre que dans l'extrait suivant la thématique et les jeux sur les sujets d'actu sont proches de ce qu'on vit en ce moment. Donc là on est sur non plus Planète Arthur mais c'était Arthur et les pirates sur Europe 2 juste après. Écoutez la thématique. On va tous crever parce que la volaille nous menace. Nous on tue les poulets contaminés. Sébastien, bonjour. Salut. Quel âge as-tu ? Tu fais quoi dans la vie ? Je suis dans un magasin de matériel médical. Mais ah, qu'est-ce que tu vends? Des masques anti-grippe ou pas? Oui, d'accord. C'est quoi un masque anti-grippe? On va pas se balader avec des masques à la Michael Jackson. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, tu attrapes la grippe avec les petits postillons. Mais attends, faut que tu saches, on n'en est pas encore là. Si un mec éternue avec la grippe du poulet dans le métro, c'est fini. Mais il y a encore personne qui l'a. Tu penses à la fin, tu sais. Mais non, si quelqu'un là, on mourra tous et on va pas chipoter pour ça. Alors, on a un auditeur qui vend des masques anti-grippe et qui lui dit: je suis en rupture de stock, comme par hasard. Et parce que je suis sûr que les gens font des stocks de riz qui vivent déjà dans leur cas. Sébastien, oui. J'ai pas compris celle-là. Tu vas pouvoir niquer un poulet. Ah ouais, mais je me suis déjà entraîné sur ceux du voisin. Alors, on va lâcher un poulet contaminé. Mm-hmm. Tu tires dessus quand tu dis stop, vise ouais. bien. Ouais. Tu dis poule. Uh-huh. On tire, si tu le tues, tu gagnes une PlayStation 2. Uh-huh. Sinon, tu tombes malade. Bonne chance. Tu es prêt, on lâche le poulet. C'est un poulet qui s'appelle Grégoire. Vas-y Grégoire. Désolé. Voilà, donc effectivement, les problèmes de l'époque étaient les mêmes que maintenant. On avait déjà les masques, on avait déjà les... C'était la grippe aviaire. C'est très Covid. C'était la grippe aviaire. On avait déjà du mal à tuer les poulets. Et on avait déjà du mal à tuer les poulets. Et quand il décide d'arrêter un an plus tard, Arthur, parce qu'il avait trop de trucs à l'époque, entre la télé, son spectacle, etc. Il aurait peut-être mieux fait de pas faire son spectacle, mais bon, ça c'est une parenthèse. Ses acolytes, et notamment Manu, se sont retrouvés au chômage. Enfin, Manu, pour lui, une journée, puisque en fait, Europe 2 décide à l'époque de choisir pour son morning Nagui. Donc Nagui qui vient de RTL et qui est aussi une star de la télé déjà, et c'est la première fois que ça se fait dans ce sens-là, où ils viennent faire venir des stars de la télé à la radio. Sauf qu'ils se disent quand même que ça serait bien derrière d'avoir un mec qui parle un peu plus jeune, et pour le coup il rappelle Manu. Donc ça donne Nagui et du matin, Manu moins, puis Nagui et Manu pour la deuxième saison, qui est pour moi l'émission la plus culte des années 2000. Nagui et Manu, c'est ça. Nagui et Manu, tous les matins entre 7h et... Mais c'est pas un peu con ce que je dis, moi? Si les auditeurs nous écoutent, c'est qu'ils savent déjà ce qu'ils écoutent, puisqu'ils écoutent ce qu'ils ont choisi d'écouter. Bon, alors je reprends en version moins con. Qui vous savez, avec qui vous savez, quand vous savez, entre l'heure que vous savez et l'heure que vous savez aussi, sur la radio que vous savez. Ah, ben là au moins, on prend pas les gens pour des cons. 7h03, bienvenue sur Europe 2, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Et attention, avant 10h, il y aura à gagner aujourd'hui le CD de l'album de M. Pokora. Et en deuxième prix, 12 CD de l'album de M. Pokora. Non, il n'y a pas de foutage de gueule du tout. À croire que j'aime ça. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi du genre du second degré et de l'humour noir? Le plafond d'une salle de bowling de New York s'est effondré alors qu'il y avait plusieurs anniversaires, plusieurs fêtes dans le bowling. Heureusement, aucune victime n'a été à déplorer. Tout le monde a pu sortir tranquille du bowling en même temps et à temps. Oui, enfin heureusement, le bus est passé juste après, il les a tous écrasés. Strike. C'est excellent. Une autre info pour toi, Teddy. Oh, bien une découverte incroyable. Enfin, c'est en montant sur un tabouret que Mimi Mati découvre qu'il y a autre chose que le potage à la tomate à la machine à café. Voilà. Bon, la question est, est-ce qu'on pouvait encore, dans les années 2000, se foutre un peu de la gueule des auditeurs? De Mimi Mati, oui. Mais est-ce que... Je voulais intervenir sur l'histoire du bowling et des quilles, là, avec le bus à la sortie. Personne n'a précisé que toutes les quilles étaient indemnes. Hein. Ah non, c'est pas faux. C'est pas faux. Elles sont toutes sorties. Il y a eu quelques égratignures, quelques blessures. Mais elles ont pu reprendre le boulot et se prendre plein de boules dans la tronche après. Daniel, de cette précision. Les qui vont bien. Voilà. Donc, est-ce qu'on pouvait se moquer des auditeurs maintenant dans les années 2000 en réponse maintenant? Loïc, bonjour. Salut Nagui, salut Manu. Voici l'avis de Loïc. Reconnu comme l'un des plus grands crétins d'Europe, Loïc se fait battre régulièrement aux puissances 4 par son seul ami, un vieux poney aveugle. Amateur de légumes mais trop pauvre pour s'acheter un terrain cultivable, il a résolu le problème habilement en créant un potager dans son anu. Enfin, il faut le savoir, Loïc est à ce jour le seul homme au monde à être clitoridien. Voilà, donc la réponse est oui, mais cela dit, vous avez remarqué qu'on est beaucoup plus sur la vanne que sur la moquerie personnelle, hein, pour le coup. Non, ce qui fait la différence vraiment entre Nagui Manu et puis les autres mornings, ce sont les jeux, avec certes des concepts qui sont moins choquants que dans les années 90, hein, on n'a plus de l'orgasmotron, mais cela dit, c'est très inventif, Et d'ailleurs, merci Manu pour les faciles à pipi, pour le père Bourras, pour la catapulte People, et tous les jeux avec des génériques qui sont chantés, et genre ils sont chantés 12 fois pendant le jeu, et qui te restent dans la tête tout au long de la journée quand tu vas au bahut. Il y avait par exemple le To You Quiz, où les questions et les réponses devaient être chantées sur l'air de Véronique et Davina qu'on a écouté l'autre fois et qu'on réécoute maintenant. Qui a chanté ? Qui a chanté le tube toutes les femmes de ta vie? Qui a chanté? Qui a chanté le tube toutes les femmes de ta vie? Ceux qui chantaient, ceux qui ont chanté toutes les femmes de ta vie, c'est le groupe L5. Alors Jolan, très bonne réponse. Effectivement, c'était le groupe L5. Allez, une autre. Allez, comment s'appelle la capitale d'Australie? Comment s'appelle la capitale d'Australie? Mais non! Comment s'appelle la capitale d'Australie? Comment s'appelle la capitale d'Australie? Voilà, donc ça forcément t'avais l'air de tout. C'est pas Toronto? Non. De quoi? C'est pas Toronto? Ah, la capitale d'Australie. Elle s'appelle Canberra. Ouais, et c'est pas ça. Sydney, attention. Exactement. Non, Sydney, c'est la plus la ville la plus connue. Voilà. et puis bien sûr, les vrais se rappelleront du Goal Number. Excuse-moi, mais elle est tellement connue que même Teddy la connaît. Ouais. Bah oui. Non, mais parce qu'il va aller là-bas, c'est pour ça. Non, elle est vendue par un Français là-bas. Ouais, tu as. Bon, il ira un jour. Et oui, le Goal. Non, des pains au chocolat. Pardon. Il me coupe. C'est fou. Bon, en même temps. Et du coup, le Goal Number, oui. Ou alors pour la dernière émission, ils avaient fait genre 25 minutes de Goal Number en ouvrant les fenêtres et ils criaient dans la cour et les gens de la cour leur criaient de se la fermer parce que franchement ça saoulait tout l'immeuble. Et le Goal Number, c'est le numéro en or. Donc il y a un générique là. Le Goal Number, c'est le numéro en or. Le Goal Number, c'est le numéro en or. J'adore chanter ce jingle. Ouais, ça on a remarqué. Le Goal Number, c'est le numéro en or. Le Goal Number, c'est le numéro en or. J'adore chanter ce jingle. Voilà, et là on se dit que... Le Goal Number. Non, mais c'est exactement ça. Il a regardé l'écran, il a cru que c'était un bug. Il s'est dit, oh, c'est... Mais non, j'ai lancé trois fois, voyons. J'ai compris. Et ce qui serait pas con, c'est de faire chanter l'auditeur aussi. On y va, le Goal Number. Ah bah oui. Goal Number, c'est le numéro en or. Nagui, à toi. Et 20 secondes plus tard, le Goal Number, c'est le numéro en or. Attention. Alors comment tu peux pas... Voilà. Le Goal Number, c'est le numéro. Là, vous attention. L'avez dans la tête. Allez, une dernière question pour le plaisir. Le Goal Number. Non, ça c'était pour c'est moi. C'est le numéro. Alors attention. Bah, allez, une dernière. Allez. Le Goal Number. C'est le numéro. Alors attention. Une quarantaine ou autre dernière. Allez. Le Goal Number. C'est le numéro, alors attention. Allez, j'ai autre chose. Tout va se jouer maintenant, après le jingle. Allez, le Goal Number, c'est le numéro, alors. Le Goal Number, c'est le numéro, alors attention. Voilà ce qui nous éclatait à l'époque, et à une époque où les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'ampleur, et que ça a pour conséquence de faire un peu déserter les jeunes de la radio libre le soir pour aller discuter sur... Alors il y avait Caramel, il y avait MSN, et puis en nouveauté il y avait Facebook. Et Nagui était visionnaire à l'époque, c'est-à-dire que voilà ce qu'il pensait de Facebook en 2008. Le site communautaire Facebook va avoir droit à un grand coup de relooking. Il vaut mieux parce qu'il a l'air un tout petit peu en perte de vitesse, le Facebook. Premier relooking depuis sa création en 2004, les utilisateurs sont invités à proposer des idées de relooking. Il n'est pas Facebook. Du tout en chute libre, tu dis ça parce que t'es gris. Plus personne. Mais tu rigoles ou quoi? Tout le monde est sur Facebook. Tout le monde. Personne n'en parle. Mais bien sûr, il n'y a que toi qui veux dire je suis pas sur Facebook. Allez, viens. Viens sur Facebook. Mais non. Allez, mais ça fait des mois que je te tâne. Regarde, t'auras plein d'amis tous les jours, les gens sur Facebook qui me disent allez, dis à Nagui de venir. Les vrais amis, ceux que l'on compte, c'est ça? Mais évidemment. Mais 3000 vrais amis de Facebook. Allez, viens, Nagui. Non, plutôt crever. Nagui, oui. Écoute, si mes paroles ne peuvent pas te faire venir, alors je vais te demander de venir en chanson. Ça faisait longtemps, j'ai envie de te le chanter. Allez. Nagui. sois mon ami sur Facebook. Rejoins-moi dans tous mes groupes. On sera amis pour la vie. Allez, c'est génial. Alors pour l'anecdote, aujourd'hui Nagui a 146 000 abonnés sur sa page Facebook. Voilà. Oh, c'est ça être visionnaire. D'ailleurs, il a tellement bien écouté que depuis, il n'oublie pas les paroles. C'est pas faux. Il n'oublie pas les paroles et je dirais même il chante parce qu'il chante. Le call number, c'est le numéro 1. Non mais, cela dit, le call number, il faut qu'il se méfie. C'est le numéro 1. J'adore chanter. Et il faut qu'il se méfie, Nagui, parce que tout le monde veut prendre sa place. Il faut que je fasse le coup. Mais si t'as envie de contacter Nagui, oui. Eh ben tu composes le. Le call number, c'est le numéro 1. Alors attention. On va faire comme à l'époque. En tous les cas, les années 2000, c'est aussi la période pendant laquelle on est passé à une programmation entièrement gérée par les logiciels, à la radio, donc la dématérialisation de la musique, le fait qu'aucun animateur n'ait le pouvoir de passer le disque de son choix, ce qui était encore très courant dans les années 90. Sauf sur Indestar. Ah, Si, il passe le... Le God Number, c'est le numéro 1. Attention. Le God Number. C'est le attention. Ah, ça me tue. Ouais, j'adore. Bref. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 90, on pouvait avoir un Maurice qui passait du rock et puis une Tabata Cash qui passait du rap, quoi. C'était le pas... call number. Ouais. C'est le numéro. C'est pas du tout lourd. Et puis les années 2000, c'est aussi les SMS et puis les chats internet qui remplacent le Minitel. Hein, à l'époque de 3615 Fun Radio, ça n'existe plus. Aussi de moins en moins d'appels avec justement cette peur du dérapage avec le CSA qui guette. Et voilà, et le fait qu'en fait, finalement, le bidonnage dans les radios libres devient la norme. Et plus forcément pour le rire, mais plus pour le politiquement correct. Ce qui fait que le concept s'amène à s'épuiser un petit peu. Et depuis la fin des années 2000, les matinales sont devenues, et de loin, la tranche horaire la plus écoutée en radio FM, qui est une grande source de revenus. Parce que tu l'écoutes pour aller au boulot. T'écoutes plus la radio en fait, t'allumes plus la radio en fait pour te faire plaisir ou quoi que ce soit. Tu écoutes que quand t'es dans ta bagnole, enfin, oui, en règle générale, on va dire. Ouais. Et puis la tranche de la population qui écoute la radio vieillit un petit peu. Ouais. En tous les cas, sur les radios FM, c'est la fin. Appellent plus le. Le call number, c'est le numéro 1, alors attention. 06-10-1-2-3-4, Nagui, vous nous appelez. Bref, donc oui, non, ce que je disais, c'est que dans les années 2000, c'est aussi, on a vu le début avec Nagui, mais après, il y a d'autres animateurs stars de la télé qui sont arrivés sans grand succès. On a eu par exemple Nikos à la matinale de NRJ. On a eu Hanouna sur Virgin Radio. Puis Enora, d'ailleurs, c'était pas... LOL pas, oui. Toujours plus, allez. Et après, on a Nabila. Et après... Non, pas encore. Il y avait aussi le principe des chaises musicales qui existe toujours, c'est-à-dire qu'on avait Manu, Bruno Guillon, Camille Combal, Coé, on tournait d'un cran, clac, et puis l'année d'après, bah, on avait Coé sur une autre radio, Manu sur Fun Radio, etc. Et voilà, donc toujours, en fait, plus ou moins avec les mêmes personnes, avec des concepts aussi très similaires, quelques jeux aujourd'hui qu'on a en radio, avec des gros cadeaux à gagner, on n'est plus sur du t-shirt, hein, on est sur du 1 an de salaire ou du 1 500 €, ouais. Et puis beaucoup de débats légers de société du genre, ouais, vous êtes plutôt bouteille en plastique ou du robinet par exemple. Eau minérale ou eau gazeuse? Non mais c'est ça. Oh là là, mon dieu, mais quel débat de dingue. Ce sont les débats du matin. Pas au chocolat ou chocolatine? C'est ça. Églantine, ça c'est un débat important. Hein, c'est vrai, je dis pas le contraire. C'est vrai. Et puis... c'est le plus important d'ailleurs. Hein, d'ailleurs, si vous voulez débattre avec nous, appelez-nous au... Le call number. C'est le numéro 1, alors attention. Ah, il s'éclate avec ce jingle. Ouais. On dirait Manu à l'époque. Je peux faire pareil, moi aussi. Il y a une avancée technique quand même qui est en train de se mettre en place seulement depuis 2 ans, mais qui en vérité était prête depuis largement 20 ans. C'est la RNT, donc la radio numérique terrestre. On parlait technique tout à l'heure, mais c'est le DAB+, qui remplace aujourd'hui peu à peu cette bonne vieille FM, mais qui est quand même sacrément concurrencée par une autre radio numérique, que vous êtes d'ailleurs en train d'écouter en direct ou en podcast, qui s'appelle Internet. Et c'est là-dessus qu'on a misé avec Indestar il y a 12 ans. Je me dis, plus le temps passe, plus je me dis qu'on a bien fait. Et que le DAB, tu vois, c'est un peu comme le DAB là. Ouais, c'est fini. Ouais, c'est un peu arrangé dans une cave avec le Minitel, quoi, finalement. Bon, après, peut-être que l'avenir me donnera tort. Peut-être que je suis Nagui à l'époque qui dit que Facebook c'est fini, j'en sais rien. Mais. On sait jamais. Ce qui est sûr, c'est que ça fait 100 ans, et on le rappelle ce soir, que la radio existe. que le contenu audio, à mon avis, n'est pas prêt de disparaître, parce qu'on aura toujours on aime bien écouter des trucs, on aime bien écouter des choses, mais que ça va continuer d'évoluer comme le reste d'ailleurs de ce qui nous entoure, et qu'on a hâte de le découvrir. Voilà. Tu sais ce que j'aime bien écouter? Le Gull Number. Le Gull Number. T'aurais pu me surprendre. C'est le numéro. Alors attention. T'aurais pu me surprendre avec un petit tout YouTube tout. Ah non, je peux te surprendre avec ça. Boulangerie, pâtisserie. Pas sûr que ça soit vraiment une surprise, mais c'est vrai que ça, ça change un petit peu. Dans un instant sur Indestar, on va écouter. Alors parce que là, on a parlé de la radio en général, je vous ai demandé au tout début de l'émission si vous aviez des choses qui vous ont marqué dans la radio, et je pense qu'on fera un petit combo Teddy et moi sur ce qui nous ont marqué en radio, un petit peu notre histoire radiophonique. Le gars même. Et on en profitera pour faire l'histoire de Daniel et l'histoire de Jolan aussi. Ce sera juste après un titre non pas Made in Destar, mais Made in Koei, qui, dans le début des années 2000, et j'en avais parlé... Comment ça, Nadine Coé? Je la connaissais pas, celle-là. Nadine Coé, ouais. Sébastien Coé, animateur sur Energy actuellement, et à l'époque sur Europe 2, il aimait bien faire... Tu crois qu'elle a appelé le... Qui ça? Le Gull Number. Mais je l'avais pas sous la main. Non, c'est... D'ailleurs... Le Gull Number. C'est le numéro, alors attention. Faut vite que je lance la musique, là. On écoute donc Koé qui reprend. Vous vous rappelez, à l'époque c'était Les Connards avec Michael Young et ah, comment oui. Ça s'appelait là, l'émission Ils ont fait les 11 commandements, c'est ça? Oui, oui. Bah, c'était ça, exactement. C'était le concept des 11 commandements. Il y avait une chanson qui s'appelait Comme des connards, qui reprenait une chanson des années 70. Et Koé avait repris Michael Young avec Comme des connasses, qu'on va écouter dans un instant sur Indestar, juste avant de se retrouver avec nos expériences perso. Dans mon pantalon, pourquoi ça grossit pas? J'ai des petits problèmes avec mes érections, pourquoi ça monte pas? Moi j'ai essayé Viagra, Viagra ça marche pas. J'ai des posters de Loana, Loana ça marche pas. J'ai des petits problèmes dans mon pantalon, pourquoi ça grossit pas? J'ai des petits problèmes avec mes érections, pourquoi ça monte pas? J'ai essayé Chewbacca, les poils ça marche pas. J'ai essayé Shakira, même un poil ça le fait pas. J'ai des petits problèmes dans mon pantalon, pourquoi ça grossit pas? J'ai des petits problèmes avec mes érections, pourquoi ça monte pas? J'ai essayé la harissa, ça brûle mais ça marche pas. Après j'ai essayé le sparadrap, j'ai eu mal, je te raconte pas. J'ai des petits problèmes dans mon pantalon, pourquoi ça grossit pas? J'ai des petits problèmes avec mes érections, pourquoi ça monte pas? J'ai mis des nouilles dans un grand mappa et j'ai chauffé tout ça. Je me suis brûlé le zop et les doigts et ça marche toujours pas. J'ai des petits problèmes dans mon pantalon, pourquoi ça grossit pas? J'ai des petits problèmes avec mes érections, pourquoi ça monte pas? J'ai essayé avec BBDA, BBDA ça marche. Quoi mec? Mais c'est pas possible, c'est pas vrai mec. Mais si c'est vrai, regarde. Eh, mais si c'est voué. D'ailleurs, pour que tu comprennes bien, je vais éteindre la lumière. Voilà. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Alors c'était effectivement Koé, c'est pas celle qu'on avait prévue, mais bon, ouais, vous avez reconnu peut-être le titre de Kana à l'époque, c'était « J'ai des petits problèmes dans ma plantation ». Pourquoi ça ne pousse pas? Voilà, c'est la même chose. Et en version parodie, « J'ai des petits problèmes dans mon pantalon ». Tellement facile, mais en même temps tellement radiophonique. On est au moment de vérité. Non, mais... C'est le quiz. Non. Non, alors on n'y aura pas de quiz ce soir exceptionnellement parce qu'on s'est dit qu'on allait dépasser. Et on a bien fait de se le dire parce qu'il est 23h25. Ah, j'ai cru que tu t'étais dit que faire perdre Jolan encore une fois, c'était. Eh ben non, on va pas faire perdre Jolan ce soir, qui aura peut-être gagné d'ailleurs. Mais j'ai envie qu'on parle un petit peu de nos expériences radio. Pour une fois qu'il aurait pu gagner. Bah ouais, c'est dommage. Quoi ce soir à me lâcher là? Mais justement. Justement, Jolan, j'ai envie de te demander dans ton expérience radio. Donc on en parlait au début de cette émission. Ça fait 4 ans maintenant que tu fais que tu fais de la radio avec nous. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la radio au départ? Alors, c'est une grosse question, ouais, parce que qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la radio? J'ai toujours été attiré par l'animation. Ouais. Mais moi, c'était plus dans l'univers du jeu vidéo à la base. Mm-hmm. En fait, le projet, c'était ça, c'était faire de l'animation sur le jeu vidéo. Ah bah ça a plutôt bien marché avec Epic Avenger du coup. Oui, ça a bien marché. Mais en fait moi ce que je voulais faire à la base c'était me filmer et puis faire de l'animation sur internet comme beaucoup de gens oui, le font maintenant. Comme les streamers, ouais. Mais je me rendais compte qu'il fallait avoir un certain niveau en jeu et un certain niveau en animation. Je me suis dit que faire les deux en même temps que ce serait un peu compliqué. Ouais, ouais. Du coup je me suis plus penché sur l'animation. Mm-hmm. Et bah du coup avec Antoine on a fait les démarches nécessaires pour vous trouver vous Indestar et puis faire votre rencontre et c'est comme ça qu'on a mis en place des émissions qu'on a mis en place des émissions et je suis là depuis 4 ans et je continue l'aventure parce que j'apprécie toujours autant cet univers. Tu l'as appelé avant? Appelé qui? Tu l'as appelé Théo avant de venir à la radio? Je sais plus comment ça s'était fait la rencontre. Je sais plus si on s'était. Je crois qu'on s'était eu au téléphone, il me semble. Non, faut pas dire ça, Jolane! Au téléphone? Oh, mais je sais! Tu l'as eu comme ça! Le call number! Surtout ne pas dire ça. Il est mauvais. Non, mais par contre, vraiment, si vous avez envie de contacter la radio, c'est possible. Oui. Alors, évidemment, au gold number. Mais non. Quel est le gold number justement, Teddy? Le gold number de d'Indestar, c'est 09 70 406 307. Non, c'est ça? Non. 407 306. Oui, 09 70 407 306. Et vous avez la possibilité aussi directement, en fait, sur le site internet, sur indestar.fr, vous avez un petit onglet devenez bénévole, hein, voilà, et rejoignez. Et paf, vous êtes bénévole. Et maintenant, vous avez un petit questionnaire en fait à remplir sur ce qui vous motive, etc. Et paf, vous êtes bénévole. Et paf, c'est chez nous. Donc on vous recontacte. Mais c'est chez vous après. Call number, bien entendu. Et voilà. C'est comme ça que ça se passe. Je rappelle juste que le numéro de téléphone et l'adresse internet sont disponibles depuis 1921. Bah on l'a ouais. entendu tout à l'heure. Exactement. Ouais, on était déjà largement d'avance. Pour revenir à la question que tu me posais. Je pensais pas que ça prendrait autant d'engouement dans ma vie en fait de faire de la radio. Je kiffe ça maintenant en fait. Tu vois, genre, même si c'est bénévole, c'est un plaisir de le faire. Et je m'ennuie pas. C'est plutôt gentil voix, de pas s'ennuyer à la radio. Non mais c'est merci beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que dans l'associatif, après c'est peut-être le principe d'une association, mais on rencontre du monde en fait. Donc, ouais. Du coup, et c'est ça qui m'a fait aussi. Alors en fait en professionnel tu rencontres du monde parce que comme en mais c'est parler... un cercle plus fermé non je pense. Oui voilà, c'est-à-dire que tu rencontres du monde extérieur, des invités, tu interviews des gens, etc. Mais c'est vrai que tu rencontres peut-être moins de personnes dans ton cercle différentes, de proches, genre que tu peux aller boire un verre avec. Voilà, ou... et qui viennent et qui passent et qui on font quelque chose. On est une structure sociale. Qui propose... Bah ouais, non mais ouais. Bien sûr. On boit des verres, on s'appelle c'est avec l'associatif, le hein. Non. C'est vrai que comme beaucoup d'associations, ça développe aussi ce côté-là. Bon, en tout cas, c'était nouveau. Ouais. Daniel, je sais pas, qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de faire de la radio ou est-ce que, comment t'as commencé? Est-ce que t'en avais déjà fait une des stars que t'es là. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Un jour, je suis tombé sur une carte de visite sur laquelle était écrit « Gold Number ». Ah bah oui. Il y avait écrit quoi? Non. Le gold number. Pourquoi je l'ai mis ce? C'est le numéro. C'est des farceurs quoi. Je vais avoir. Je pense que je vais en avoir marre moi-même de la blague que j'ai voulu faire au départ. C'est trop bon. Ah là là. Non, là, là. En fait, bon, le hasard. On dit que le hasard fait bien les choses. Là, je pense que c'est le cas. C'est que moi, quand j'avais une vingtaine d'années, je faisais de l'animation, mais par radio. Sur les fêtes, sur l'animation les de soirée, soirées, etc. Et un jour, le hasard m'a placé sur la route de Théo. On s'est rencontrés, on s'est bien apprécié, on a été boire un coup, puis deux. Puis une fois qu'on a été boire un coup, il m'a dit, dis donc, une radio en Amboise, ça s'appelle Indestar, ça t'intéresse pas? Eh bien, dis donc, bon, une fois. Et voilà hein comment ça s'est passé. Mais je me rappelle que moi, la toute première fois qu'on s'est rencontrés, c'était, on en parlait tout à l'heure au salon du jeu vidéo. que tu organisais, enfin que ton fils organisait et que tu Moi je donnais un coup de main, je continue. Oui. Exactement. D'ailleurs, t'étais stressé parce que bah il y avait, c'était la première édition, il y avait plein de choses à gérer. Et je me rappelle que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. En fait, par moi, l'intermédiaire de mon travail. Et en plus, je travaille pas du tout dans l'électronique, mais je fais des actions avec des petits ateliers électroniques. Et justement, j'avais besoin de dans le numérique. Voilà, dans le numérique. Et j'avais besoin de soutien de personnes comme Daniel qui s'y connaissent beaucoup plus que moi. Et Daniel m'a dit j'aime bien tout ça. Et il est venu proposer des ateliers où je travaille, quoi. Donc comment s'est fait la rencontre? Voilà, il y a eu ça, la radio derrière. Et c'est vrai que moi, animé tout ça, j'adore. Et je voudrais, tiens, pendant qu'on parle aussi de cette journée, saluer, je ne sais pas s'il nous écoute ou s'il nous écoutera un jour, un certain Jean-Baptiste, sans qui tout ça n'aurait pas été possible et la rencontre non plus. Donc, merci JB. Eh ben merci JB. Voilà. Et JB, n'hésite pas à nous appeler, Le Conundrum. C'est le numéro. J'en veux plus. C'est officiel. Teddy, arrête, s'il te plaît. Teddy, raconte-nous plutôt. On va essayer de le faire concentrer sur son truc, sur son taf. Raconte-nous comment t'es venu l'idée de faire de la radio, comment t'es arrivé là. Moi, oui. Il a plu. J'ai commencé. Oui. Par rappeler. Non, c'est faux. Je sais que c'est faux. Il n'y a pas de numéro de téléphone dans l'histoire. C'est vrai. Ah, par contre, c'est de la musique d'aventure. Mais de toute façon, c'est quoi ça? C'est japonais? Non, mais ça, je vous explique. C'est pour dire que l'histoire de Teddy, c'est du pipeau. Pas vraiment. Par contre, ça a commencé très bizarre. On va pas se mentir. Très bizarrement. Ouais. Pourquoi? De base, je faisais partie d'une association qui s'appelait le SVA. Ouais. Donc, une association de cinéma, voilà. Mm-hmm. Et on cherchait à se faire connaître, à faire des projets, voilà. Et ma copine de l'époque s'appelle Maïva. Eh, hey, bonjour Maïva. si tu veux m'appeler. Non, j'ai. comment dire. À nous aider de temps en temps, voilà. Et elle avait entendu parler d'une structure qui. Deux raisons en plus. Comment dire. Elle cherchait une structure pour imprimer des papiers. Oui. Parce qu'elle avait pas d'imprimante. Et là, on revient à mon travail en fait. Voilà. Donc, elle a trouvé Théo à son travail qui a une imprimante et du coup, elle a dépanné. C'est génial. J'ai une imprimante. C'est le top du top, son entreprise. Une imprimante. Voilà. Mais était-ce l'imprimante en or, ça, on ne sait pas. Je sais pas. Donc, elle a une imprimante, elle a pu imprimer ses papiers. De fil en aiguille, ils ont discuté. Paf, elle a appris que Théo faisait de la radio. Oui, non, je sais pas les deux. Pourquoi d'ailleurs, comment on en est venu à discuter de ça, mais ouais. Du coup, ouais, ils ont discuté de ça, voilà. Donc, au final, ils ont discuté, ils ont dit « Ah ouais, on pourrait faire de la pub pour le SVA sur la radio. » Oui, parce que ton ex-copine, elle m'a dit... Ah, voyez ça comme ça. Ouais, mon copain, il fait des vidéos sur YouTube. Elle savait pas trop ce que tu faisais. Oui. Elle m'a dit, fais des vidéos sur YouTube et ça serait bien que vous vous rencontriez. J'ai fait, bah ouais, ok, cool, quoi. Voilà, et en fait, on s'est rencontrés. Alors, on n'a pas fait de pub pour le... mais on a fait de la radio, en fait. On a mélangé nos assos et on a été partenaires pendant un petit moment. Bah, par et... exemple, Get Stars, dont on parlait tout à l'heure, c'était l'association des deux. On filmait et du coup, ouais, c'est totalement... par pur hasard, quand même, hein. Et un très bel hasard, hein, parce que le hasard fait bien les choses, parce que sans Teddy ce soir on n'aurait pas eu 15 fois le call number. 15 fois, t'es sûr? Est-ce qu'on l'aurait pas eu 15 fois? C'est le numéro, alors attention. Voilà. Et l'émission PK Avenger qui arrivait par la suite, et les émissions spéciales. Du coup, je me suis mêlé à la foule. Au début, j'étais dans Get Star, je faisais l'homme de main. Je faisais le coach sportif aussi. Ouais. Je commençais mes débuts d'animateur en tant que coach sportif. Kevin, coach marseillais peu cher, parce que t'es forcément marseillais, t'es forcément peu cher. Dis-moi, Teddy. Oui. Le coach sportif, il est mené à la baguette. Alors c'est lui qui mène à la baguette, ouais. Ah oui. Ouais. Non, mais le coach sportif, Teddy. Ah oui. Le boulanger. Ah bah moi. Il mène à la baguette. Il menait les candidats à la baguette. Sinon c'était un pain. Chocolat. Ouais, il y a des jeux de mots dans la boulangerie, on le vérifie encore maintenant. Ouais, je pétris les miches. Ouais. Les miches à la boulangerie. Tu sais comment on appelle la vendeuse en boulangerie? Non. Bah, grosse miche. Ah oui, forcément. Ouais. Bah, ça dépend si elle a des grosses miches. Sinon, bah non. Attention, je l'appelle planche à pain. En 2021. Ah non, c'est du vieux. Ouais, c'est alors, très très vieux. Vu dans l'esprit des années 90. Non, effectivement. Et donc, en fait, à un moment donné, tu es passé de Kevin, coach sportif. Ouais, à je dirige star. Une émission. Oh mon dieu. Le truc de dingue, la promotion. Oh mon salaire. C'était pas promotion. Il a triplé. Canapé, là, j'ai triplé mon salaire. Ah oui. À la radio, on peut tripler les salaires, tu vois. Ah bah, sur Indestar, on peut. Ouais, on peut tu plais, ça a l'air ouais, stylé, hein, aucun souci. Hein. Du coup, j'ai commencé à faire une émission de radio. Demain, mais... il te multiplie par 10, si tu veux. Ouais, exactement. Et je me rappelle de ce moment-là où je t'ai dit, bah, je suis venu toi, je t'ai dit, bon, je t'ai dit, je te vois bien prendre la tête de l'émission. Ouais, j'étais pas chaud. Hein. Et là, tu as dit, oula. Oula, moi diriger quelque chose. Oh non, moi je suis là, je suis bon c'est pour aider. C'est exactement ce que tu m'as dit à l'époque. Oui. Je suis bon pour aider. Je suis un bon second. Bras droit, ouais. Mais je sais pas si je sais diriger quelque chose. Et j'avais raison ou j'avais tort? Eh ben, Jolan, est-ce qu'il avait raison ou est-ce qu'il avait tort? Il a eu raison. Bah voilà. Ah, bah t'as... Merci pour le soutien. Non, oui. Au final, oui, ça s'est bien passé quand même. Parce au début, les quoi, vice-président déjà d'Indestar. Oui, c'est vrai, mais ça, j'adore être vice-président de tout et n'importe quoi. Moi, c'est simple. Vous me promettez un poste de vice-président, c'est bon. Quel que soit l'assaut, hein, y a aucun n'importe. On cherche un vice-président. Ça peut être tout. Teddy est là. Voilà. Ouais. Donc, ouais, au final, il y a eu des couacs. Au début, ça a balbutiné. Et au final, ça s'est bien fait. On a fait une bonne saison. Je crois qu'on a fait une ou deux. Bah, une écart. Ouais, une écart. Ouais. Parce que Covid, mais bon. Bye. Une écart. Après, on a fait les émissions pop culture. Et bon, je me lance. Je fais des boutons. Ah oui, parce que c'est ça la nouveauté de cette saison quand même, c'est que l'année dernière tu laissais la console à Jolan parce que tu t'es dit je vais pas tout prendre en charge. Ouais, c'est ça, on a partagé les charges. Les tâches, ouais. Alors que maintenant je me partage. Non, j'enlève Jolan. Tu te partages toi-même. Jolan, il t'a dit dégage de ma place là, je la prends. C'est ça, je vire Jolan. Il se scinde en deux, c'est une bande de jeunes à lui tout seul et t'arrives maintenant à faire la console. Mais je fais des boutons. Ça a été fait un petit peu par hasard parce qu'en fait il y a eu le premier. Enfin, le. C'était confinement. Plus par la force des choses au final, comment dire, vu que j'ai un avantage sur tout le monde quasiment. T'es à côté, t'habites à la radio. J'habite à 3 minutes à pied de la radio. Donc pour le confinement, effectivement, on pouvait pas, tout le monde ne pouvait pas venir à la radio. Pour nous autres. Ouais. Et il fallait quand même quelqu'un sur place pour pouvoir faire la radio. Teddy, ouais. Et donc effectivement, je prenais mon courage à deux mains, je bravais les interdits. Ouais. Et maintenant, tu sais que quand on est là, bah, il me laisse même plus la console. Hein. Exactement. Il se l'est approprié. Ah comme c'est ça, je peux faire des trucs genre. Ouais. Non. C'est ça qui est bien malheureux. Voilà, bon, pour lui passer le goal number, je vais peut-être te raconter mon expérience radio, comme ça va le calmer. Ah bah, je peux passer à autre chose si tu veux. Non, ça m'étonne. Tu veux autre chose? Non, moi j'ai des extraits qui vont très bien avec. voilà. Donc moi ouais, j'ai commencé alors jeune à enregistrer comme beaucoup, hein, je pense à l'époque des sur cassette, alors des extraits de radio et puis enregistrer ma grand-mère qui faisait la vaisselle, ce genre de choses. Enfin, ouais, je faisais des délires comme ça. Je faisais des trucs ASMR. Oui, dans cette séance ASMR, c'est un peu ça. J'enregistre ma grand-mère faire la vaisselle. Et en 2001, bah, j'ai fait, on va dire, ma première émission de radio prévue avec ma sœur et puis une amie pendant quelques jours. Ça s'appelait Station Vacances et avec un petit poste, on enregistrait. Voilà, on était à la plage, on racontait un peu notre life. Il y avait quand même un début de conducteur. Et conducteur, c'est ce qui est un petit peu la trame de l'émission. Voilà, bon, c'était un brouillon, mais ça faisait le taf. En 2003, donc 2 ans plus tard, j'ai remis ça avec mon cousin. Et 3 mois plus tard, je vais convaincre mes amis de faire une émission radio à la maison. Alors ça s'appelait La Voyance avec Romano. Il y avait des bruitages et des jingles qui étaient enregistrés sur cassette. Il y avait des écouteurs, pour le point de vue technique, hein, des écouteurs qui étaient branchés sur la prise micro, ce qui en faisait des micros. Il y avait, tu sais, le truc que t'as pour ton fils, Teddy, le babyphone, là, pour l'entendre. Le babyphone. T'as pas ça? Non. Tu sais, moi, mon fils, il a directement un téléphone est... Non, c'est bon, je te le mets pas. J'ai fait peur comme ça, je vais les coups de pression. Non, il est directement en téléphone. Mais oui, il y a les babyphones pour entendre d'une pièce à une autre. Ouais, c'est ça. Un talkie-walkie, mais version bébé. On avait ça pour le faux téléphone. Ouais, ça marche bien. Ouais. Et on a passé une après-midi mémorable, ce qui nous a donné envie de continuer. Et comme vous savez que j'aime bien aller jusqu'au bout des choses, j'ai créé ma première radio, alors qui n'était pas diffusée hein, du tout à l'époque. Ça s'appelait Freestyle FM. On a fait plein d'émissions, et notamment de la radio libre et des kikis donc, comme Max, évidemment. Et puis, pour mes 18 ans, on a fait 24 heures de... Enfin, on a voulu faire 24 heures de radio non-stop. On a dormi au bout de deux. On a tenu que la moitié. Mais c'était déjà pas mal, on était déjà contents. Et c'est à cette époque-là où j'ai décidé d'en faire mon métier et de rentrer dans une école d'animation radio pour apprendre ce qu'était le métier. Sauf que c'était à Paris, ça coûtait cher, j'avais pas de thunes. Donc j'ai bossé pour faire des économies, hein, tout simplement. Et j'ai déjà eu la chance de trouver deux postes en radio. Où j'ai eu la chance de prendre le micro aussi à certains moments pour balancer des « On va s'écouter !» En tous les cas, ensemble, on va faire plein de choses ce midi. On va s'écouter de la musique, bien sûr. Bah non. Ouais, ouais. Alors qu'il y a une star, nous, on n'a pas le droit de le dire. Mais lui... Alors, Théo, c'est quoi ce bordel-là ? Eh bah oui, ouais, je sais que... Voilà, au feu. Mais là, je sais pas si vous avez l'impression. Pour nous, Théo, c'était un dieu, mais d'un seul coup. Ah, on s'aperçoit qu'au début, il était comme nous. Mais tu sais, Dieu voilà. S'est construit en plusieurs jours. Enfin, non, c'est ça, il a fait la terre, il paraît. Mais bon, voilà, j'étais au début de ma dieusitude. Et donc, ensuite, je suis rentré à l'école de radio où j'ai eu la chance, mais le trac absolu, d'avoir comme coach Max. Ah. C'est-à-dire, imaginez comment je me pouvais me chier dessus puisque j'animais une émission où Max m'écoutait cette fois-ci. C'était vraiment inversion des rôles. N'empêche que ça s'est passé. Et c'est à cette époque-là aussi que j'ai lancé Indestar pour faire des émissions le soir avec des collègues de l'école. Avec toujours cet amour pour la radio libre où j'étais alors très au taquet. Alors, j'avais pris aucune substance à l'époque, mais ça donnait ça, la libre antenne. Ou alors, quand tu le reconnais, tu sais, genre, tu vas vers lui, ou vers elle, et puis tu fais... Si tu veux porter un bonnet, bah, tu le laisses dans ta poche et tout, et tu lui demandes l'heure, juste à la fille. Machin, ouais, c'est pas cool, ça. Bonjour, mademoiselle, quelle heure est-il, machin. Et si la fille, elle est belle, après, tu dis, ouais, c'est moi, machin, tu vois, et sinon, tu passes ta route, et puis... Ah donc, pour draguer, tu prends un accent des années 80. C'est pour ça que ça marche pas, j'ai trouvé la solution, moi. Mais moi, j'arrive vers les filles, je dis, non, sans lui, on s'en va, et... Faut, mais t'es drôle de bas, toi. Ah bon, je comprends pas. Tu fais de la radio, non? Qu'est-ce qui est pas normal? Ah bon. Vous croyez que ça vient de la voix? Ouais, je pense qu'il faut que tu le calmes. Comment c'est salut. Ah, c'est mieux déjà, tu vois. Là, ça fait un peu pervers, tu vois. Ouais, mais ça fait un peu un petit côté sensuel, bad boys. Ah ouais, mais après, je le tiens pas non plus. Ah bah ouais, c'est ça qui est cool. À un moment donné, je vais être là avec la vie. Ça va. Sinon, c'est quoi? Voilà, et vous remarquerez que. Vous le remarquerez, je m'appelais Kamax à l'époque. C'était mon pseudonyme de. J'étais super speed, hein. Ouais, j'étais speed, ouais. Non, ouais. Clairement, j'étais speed. Le jus de pamplemousse a beaucoup de défauts. Ça te rend speed. Et Kamax, c'était la contraction entre trois de mes animateurs préférés. Alors, je vous laisse deviner, Jolan. Max. Teddy. Koé. Non, j'ai non. K. C'est qui, K? Qui? K. K. Ah, K. Kamel. En fait, dedans, il y avait Max, il y avait Manu et il y avait Cash. Ah, Cash, ok. Voilà, donc ça faisait Cash. Mais Manu était caché derrière Max. Hein. Ouais, c'est clair. Alors, Cash était un animateur sur Europe 2 à l'époque et maintenant il est encore sur Energy ou il y est plus? Je ne sais plus, je crois. Je pense qu'il y est encore. Il y est encore, ouais. Je peux vérifier, mais. Et donc, ouais, la contraction allume tout ça. Allume Energy pour vérifier. Là. Et il y avait Max, donc K-Max, il y avait Max avec 2X parce que c'était comme la période Max de tube d'Europe 2 à l'époque. Donc, un Max de tube. Sauf que, bah, quand j'étais embauché par une vraie. Plus grosse radio pour faire le morning, le patron Fabrice, que j'embrasse s'il nous écoute, m'a dit bon, Kamax bof quand même, hein, donc tu vas plutôt. Qu'est-ce que tu penses de Théo? Voilà. Et ça redescend d'un coup là. Depuis ce jour-là, j'ai gardé Théo, j'ai refait mon extrait de naissance, tout ça, hein, je l'ai gardé. Et c'était à cette époque-là que je me suis retrouvé à me lever à 4h du mat pour faire une matinale pleine de jeux de mots et d'autodérision avec la liberté qui m'était offerte. Et ce que je vous ai ramené là, c'est un extrait. Alors, c'est pas une séquence antenne, parce que vous savez que bon, c'est comme à Indestar, on a les séquences on air, et puis il y a ce qui se passe pendant les musiques. Et à l'époque, j'avais mon journaliste, Cyril, que j'embrasse aussi, s'il nous écoute, qui est un grand déconneur. Et avant de passer à l'antenne pour son flash info, qui était hyper sérieux, hein, c'était pas comme dans les années 90. Enfin, quoi que, à la fin, on déconnait quand même. On avait toujours la petite histoire avec la petite vanne. Mais avant ce flash info, il y avait la ZIC. Et sur la ZIC, bah, hors antenne, on déconnait. Voici un petit medley. Ah, le medley arrive. C'est foutage de gueule. Je pense qu'on pourrait se lancer dans la chanson. Oh la la la, but I'm boy. We are young and then Corbillard. We are young. Oh, l'amour prend ses distances. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Dépeuplé, dépeuplé. Loin de toi, je me demande. Loin de toi, je me demande. Pourquoi ma vie ressemble? Pourquoi ma vie ressemble à une terre brûlée? À une terre brûlée, une terre brûlée. Unless you can Manet. Ça fait mal, hein. Ça me dit rien du tout. Ouais, ah, ton estime, il descend là. Tu es la reine. Elle est ou pas? Non. Comme ça? Bien. Bah, on va pas la franchir. On va pas la peine, tu sais. Oui. Si j'ai pas vraiment les moyens. Petit mono. Et dans 150 ans. On sait, on y aura plus. Toute la discographie t'aura fait. Je suis dans cette caravane. Il n'y en a pas longtemps. Allez, bien. Direction. C'est de la merde. Non, j'aime bien, c'est ça la pêche. Oui, bah, ça. Toi, t'aimes bien, mais t'es le genre de personne qui aime Anna Free. Allez, ça c'est bon. Tu aimes le genre de personne qui aime Patrick Sébastien, je le dis à la fois. Et c'était vrai en plus, c'était tout le temps comme ça, voilà, de très bonne ambiance à cette radio. Ensuite, il y en a eu d'autres, hein, des grandes, des moins grandes. Et pour terminer, je disais tout à l'heure que depuis les années 2000, les animateurs n'avaient plus vraiment le pouvoir de passer le disque de leur choix. Sauf que ouais. Je suis toujours arrivé, sur toutes les radios où j'ai bossé, à passer un titre d'Anna Free. Oh. Ah oui, toujours. Je vous ai mis, alors le là, salaud. Je vous ai pas mis tout, évidemment, mais je vous ai mis la première fois et la dernière fois, et puis au milieu, je vous ai greffé un petit passage Indestar, mais vous allez comprendre pourquoi. L'artiste qui va passer maintenant, donc elle s'appelle Anna Free, elle est d'origine portugaise, et vous allez pouvoir écouter ce que ça donne, c'est vraiment pas mal, j'ai un peu flashé dessus. Il y a beaucoup de choses dedans, et il y a du Anna Free. Ah, et il y a du Anna Free, oui. Parce qu'Anna Free, c'est un peu notre artiste préféré. C'est l'artiste d'Indestar, l'artiste... Non mais, tu sais pourquoi Anna Free quand même a... autre que Kina Granis ou Terra Naomi ou des artistes comme ça, c'est parce qu'ils représentent tout à fait l'esprit d'Indestar. L'esprit d'Indestar, c'est quoi? C'est tout simplement des artistes qui font, je dirais, le buzz dans leur pays, qui vendent pas mal d'albums. Je crois que ça veut dire on te coupe dans ton cul. Ah, c'était beau, merci Guillaume. Bah, je crois qu'on a vous sauver d'un quart d'heure d'explication sur Indestar, c'est magnifique. Mais le mieux, c'est de l'écouter pour s'en rendre compte. Anna Free. Gros bisous. Et puis en guise de signature, voici un titre de mon choix. Alors ça aurait pu être un bon gros rock à l'ancienne, ça aurait pu être une chanson de country ou un morceau de funk, mais puisqu'il n'en fallait qu'une, voici Anna Free. Alors c'est la fameuse, vous savez, artiste qu'on emmène sur une île déserte. Bon, je vois pas pourquoi je me retrouverais sur une île déserte, mais bon, au cas où, j'emmène Anna Free avec moi, ça c'est sûr. Voici donc un extrait de son dernier EP. Cette chanson s'appelle Killing Kind et c'est sur K. Ciao. Voilà, j'ai coupé le nom de la radio. Ça c'est pas du tout. On arrive toujours à nous causer Anna Free. Ah mais toujours, bravo, toujours, ouais, évidemment, ouais, ouais. Sur n'importe quelle radio où j'ai travaillé. Alors des fois c'était avec l'accord de mon directeur d'antenne et puis bah des fois c'était va te faire foutre. Des fois moi. Bon, une fois, hein, cela dit, ça va, sur une saison, ça va. Des fois, c'était ça, tu vois. Ouais. Non, mais les gens ont le droit de connaître, les gens ont le droit de savoir qu'il y a des très bons chanteurs et chanteuses en France et qu'il faut écouter Indestar pour les découvrir, c'est comme ça. Mais du coup, elle est pas en France? Hein? Du coup, elle est pas en France? Non, mais c'est pas grave. En France, on a des radios pour écouter, pour découvrir des artistes internationaux. Voilà. Donc, c'est vrai que depuis 2007, on découvre Anna Free. Hein. On l'a bien découvert, hein, sous tous les écouteurs. Hein. Ouais. Je veux dire, je peux même te dire où est-ce qu'elle a une verrue. Hein. Ah! C'est dégueulasse. Car oui, Anna Free est une verrue. Non, tu peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Bon, voilà. Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les gars? Le tour d'Anna Free, oui, alors, ouais, c'est vite fait, si allez. Tu veux vraiment poser la question, il y a peut-être quelque chose qu'il faut que je rajoute. Ouais, bon, et dernière fois, le ça va lui faire plaisir. C'est le numéro 1, alors. Voilà, et voilà. Dès lundi, vous pourrez composer le Gold Number pour nous appeler avec une nouvelle émission qui arrive dès 21h. Le quoi? Le Gold Number. C'est le numéro 1, alors. Attention. 0970 407 306. D'ici là, passez un excellent week-end. Vous allez pouvoir réécouter cette émission podcast et vous arrêter à tous les moments et vous les refaire 20 fois parce qu'on aime ça. Couper les Gold Number. Et couper les Gold Number parce que c'est chiant. Ne vous inquiétez pas. Et découvrir plein de nouveaux artistes sur Indestar, des bootlegs, des covers, donc des reprises et puis des originales. Des Anna Free également. De quoi, Jonathan? Et le titre préféré. Je que vous allez pouvoir écouter Anafri également. Ah bah bien sûr, bien sûr. Parce que découvrir maintenant. Tiens, voilà. Tiens, mais mets-nous une petite cover de Rihanna, la jouer à Anafri, We Found Love, là pour terminer. C'est aussi, tellement mignon. Où ça que tu me vois ça? Teddy, c'est. Ah bah non, non, non, j'ai rien dit. Bah ouais, non. Non, pour terminer. Je crois que c'était le Golden Boy qu'il aimait bien. Bah oui, pour terminer, on a une super chanson. Ah oui, alors aussi, on n'avait pas effectivement terminé l'émission sans une dernière chanson Indestar, ça serait tellement dommage. Et je me rappelle de ce moment-là, c'était complètement de l'impro, c'était comme ce qu'on a écouté tout à l'heure avec Max et Manu. Là, on était dans une émission nocturne qu'on avait organisée, on avait mangé avec un pote le soir, qui est d'ailleurs, vous l'avez peut-être connu après parce qu'il a fait la radio avec Guillaume Play, c'était Julien Stagiaire sur Guillaume Play, sur Énergie. Et ce mec-là, on s'est dit, tu vois, on mangeait notre truc le soir, on s'est dit, ouais, on a envie de faire de la radio, on avait fait des maquettes radio toute l'après-midi. Hein. On s'est dit, on a envie de faire de la radio, est-ce qu'on ferait pas une émission pirate ? Allez, ok, allons-y. Donc on invite un ou deux potes à nous. Et on se retrouve à minuit à prendre l'antenne, ou je sais pas quelle heure il était, 10 ou 11 heures, à prendre l'antenne et à faire une émission pirate. On n'avait absolument rien préparé, et on s'est amusé à faire, à créer un film en impro, à faire des choses comme ça. Et pour terminer, une petite chanson d'au revoir en total impro avec des petits bruitages, avec une petite instru, et puis hop, c'est parti. Et c'est comme ça qu'on va se dire au revoir également ce soir sur Indestar, 10 ans plus tard. On est toujours là. À une rire, non, art peut-être, quelque chose qui te ferait plaisir. Un placard, non, ça marche. Tout ça. On est très rare. On est très rare, j'aime bien. Et on se voit plus tard. Et lundi soir. On a beaucoup d'hectares. 21h. Ouais. Et n'oubliez pas, nous sommes des stars. Il est pas si tard. Nous sommes des stars, évidemment. C'est beau ce qu'il vient de dire, Daniel. Ben oui, on est des stars, merci, on est même. Merci la foule, on applaudit. Je dirais même plus. Bravo! Bravo! Standing ovation! Nous sommes des stars, nous sommes même des Indestars. Oh, c'est beau, mais avant ça. Bon week-end. Le code number ouais. On peut pas finir. Non, on peut pas. Enfin, on pourrait, mais. Non, allez. Sortez petite chanson d'adieu. Allez. Enfin, d'au revoir, pardon. Ciao, allez. Les amis. Bon bisous tout le monde. Salut. Salut. Bonne nuit. Voilà, ça c'est. C'est l'heure de se dire au revoir. 3 minutes. C'est notre rôle. 3 minutes pour dire au revoir. Eh ben. Il est 1h59. Et l'équipe d'Indestar vous dit bonne nuit. Bonne nuit à toi. Bonne nuit. Bonne nuit chez toi. Sous la couette, t'enfermes pas. Sous ton oreiller, tu nous écoutes. Et même si tu te sens seul, c'est pas la peine de penser à ça. Tu sais très bien que tu y arriveras. Tu peux très bien rêver, tu peux très bien penser, tu peux très bien nous écouter jusqu'au bout de la nuit. Tu peux très bien écouter Indestar, tu peux très bien avoir le cafard mais sans histoire. Tu nous écoutes jusqu'au bout de la nuit sur Indestar, la Dream Team, Indé Night, toutes ces émissions que tu kiffes la semaine, les rediff le week-end, c'est Indestar. Quand tu vivais sans nous, et alors maintenant on est là. On est là. On n'est pas avec toi, qu'on n'est pas dans ton cœur et dans tes draps. C'est toi, notre c'est fidèle auditeur qui est au fond du trou ce soir. J'habite Max et Lynch. Toi, pense à faire des choses complètement crasses. C'est mon cul. Alors écoute ces derniers mots de K-Max, de Vincent, de moi, pour te souhaiter une bonne nuit, te souhaiter un bon dimanche. Et puis pourquoi pas venir un jour nous rencontrer dans les studios à Indestar. Tu seras toujours le bienvenu, il y aura toujours une place pour toi. T'as le cafard, le 0970 407 301 est à toi mec auditeur, tu nous écoutes la nuit, le jour, in the night, in the star, la dream team, tout ça, où tu kiffes ta dans tes draps, écoute ça, écoute ce son, c'est toi qui te permet de transformer ta vie en rêve maintenant. Et c'est surtout toi. Cette nuit calmement. Et toi. Même si tu te sens seul, ne pense jamais à ça. Surtout parle-en à ta famille, à tes proches. Et même si t'as envie de reprendre ton corps, surtout ne t'abandonne pas à la violence. C'est toi. Bonne nuit à tous. C'est toi.